Vous êtes assez fatigué pour l'écouter. 89.1. C'est fou.ca. Le plan de cette semaine, assemblage hockey. Parce qu'on n'est pas des animateurs très patients, on débutera l'été plus tôt que prévu. Toutes nos chroniques classiques sont là, dont Agnès Canin-Tutinia et une grosse pointe d'adresse. Assemblage hockey commence tout de suite. Assemblage hockey pour toi, aujourd'hui. Assemblage hockey pour toi, aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rocky en ce mardi 29 mars 2016. On t'en dirait les studios de Cifoua à Trois-Rivières et je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Allez, Tania! Bon après-midi! Oui, bon après-midi à toi aussi. Bonjour, bienvenue à notre case horaire estivale avant le temps, faut le dire. Ouais, c'est ça. Parce que ce sera notre case estivale pour un petit bout, mais on va peut-être changer de place, on verra bien ce qui se passe avec ça. Tout ça pour dire qu'on n'est plus le matin. Non, exactement. Oui. Ben peut-être qu'on va être le matin, mais en rediffusion, mais tu sais, comme c'est ça. Ça compte pas. Nous, on sera c'est pas ça. Là présent. On va être là les mardis après-midi pour vous pendant les prochaines semaines, entre 15h et 18h. On va repasser les vendredis soirs à 17h et les dimanches à midi. C'est par le fait même la case horaire des Palmarès Fous pour la session passée. Donc, vous ne serez pas trop perdus. Nos voix seront au même endroit, au même moment. Et comme tu l'as dit, ben, des rediffusions d'Assemblage Rocky du mois de mars tout le long du matin du mois d'avril. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. C'est très clair. Dis-moi, je le trouve. C'est ça. Allez voir sur assemblagerequis.com pour l'horaire complet. Étant donné qu'on va être ensemble dans des cases bizarres, à un moment donné, il faut savoir comment se fier à tout ça. Mm-hmm. Donc, Tania Baudin, t'as passé quelques beaux jours de Pâques. Ah, mon Dieu, c'était donc plaisant, un long congé de Pâques comme ça. Hein? Mm-hmm. En plus que c'était ma fête vendredi. Oui. Le 25 mars, donc c'était encore mieux d'avoir congé le jour du vendredi saint pour se dire que c'était parce que c'était sa fête. C'est ça. C'est de faire un congé de Pâques perpétuel. Fait que profite exactement. De ton congé de Pâques pour les prochains mois. Merci beaucoup. Jusqu'au mois de septembre. Donc, tout ça pour dire que l'émission d'aujourd'hui est quand même remplie de bonnes choses. On n'aura pas de chroniqueur pour l'instant. On leur a demandé s'ils veulent participer de s'inscrire sur notre page Facebook. Donc, pendant les prochaines semaines, on va pouvoir accueillir ces gens-là comme bon nous semble. Mais aujourd'hui, ça va être que toi et moi, Tania. Que nous deux. Oui, donc on va acheter des gadgets inutiles dans la chronique « Ça existe et ça ne devrait pas, on l'a ». On va aussi manger de la malbouffe dans une grosse pointe d'adresse. Il y a ta chronique à toi qui s'en vient, Tania Gunn-Entertainia. Qu'est-ce que tu nous présentes? Je vais vous parler de tattoos, en fait. Des tattoos? Oui, des tattoos. Des tattoos. Des tattoos. Ben, c'est le fun, ça. Mais oui. Très le fun. On va commencer avec du site un fait, comme on aime le faire en début d'émission habituellement. Donc, on fera ça juste après cette chanson, une nouvelle entrée du palmarès anglophone. Palmarès qu'on va écouter toutes les semaines ici dans l'Assemblage Rocky parce qu'il n'y aura pas d'émission. Les palmarès, c'est fou pendant l'été. Mm-hmm. L'été et le printemps. Entre guillemets. On est quand même un petit peu entre les deux. Là. Donc, Bajaboulotte, que voici tout de suite avec Fool. Le fond FM, c'est Fool. Wouh! Surprise! Baja Bullet. Et la pièce Fool à Assemblage Requis. Maintenant, c'est le moment d'apprendre des choses parce qu'on n'est pas des fous. On n'est pas des fous. Mais on est fous d'apprentissage, par contre. Oh là là. Voici C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la connaissance des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet. Les liens seront toujours sur assemblagerequis.com pour ceux qui veulent suivre avec nous. Commençons, Tania, avec un homme qui a reçu une contravention de 10 000 $ pour avoir dompé illégalement dans un parc national, donc dompé des déchets, des... Oui. Hein, on se comprend. Les autorités ont réussi à retrouver un timestamp, donc l'heure de son reçu de McDonald's. Il a réussi à matcher ça avec les caméras de sécurité circuit fermé, là, closed circuit technology, okay, ouais. Du parc national. Et donc, il avait commandé en même temps, en fond, dans la ligne temporelle du temps, il avait commandé son menu chez McDonald's. Il avait exactement pris le chemin puis il était allé jusqu'au parc. Puis ils l'ont retrouvé par rapport au temps de sa commande à l'auto. On lui a demandé 10 000 $ pour compenser pour ça. Ce déchet par terre. OK, parce qu'il avait jeté ses déchets de McDo par terre. Jeté ses déchets de McDo par terre. Ah, mon Dieu. Et voilà. Et là là. Ensuite, les enfants en Chine se sont fait demander de s'habiller en sac fertilisant blanc. Ils se sont fait demander de se mettre sur le dessus d'une montagne, au-dessus d'une montagne, dans le fond, en haut de la montagne, pour ressembler à des moutons. Pour que les leaders de la ville aient l'impression que les supérieurs, dans le fond, que la ville était prospère, qu'ils pouvaient se permettre des moutons. Oh mon Dieu! Mm-hmm. Mais c'est dommage, méchant! À peu près, à peu près. L'exploitation de jeunes enfants. Exactement. Il y a une ville qui s'appelle Llanwrtyd Wells, Llanwrtyd, qui fait annuellement un marathon, enfin un concours homme versus cheval. En 36 ans, la course a été gagnée par des humains deux fois. L'événement a commencé, oui, quand un propriétaire local, donc Gordon Green, a entendu la discussion entre deux hommes dans son pub, le Newad Arms. Un homme a suggéré que sur une longue distance, une distance significative, d'un bout à l'autre du pays, l'homme était égal à n'importe quel cheval. Donc oui, Green a décidé que le défi devrait être testé en public et organisé le premier événement homme versus cheval. Ça s'appelle comme ça, man versus horse. Quand tu commences à aimer une personne juste parce qu'il t'aime bien, juste parce qu'il t'apprécie, qu'il montre de l'intérêt envers toi, c'est un phénomène psychologique qui s'appelle « reciprocal liking », donc aimer de façon réciproque. Ça existe. Mais c'est pour pas vrai. Juste le fait que t'aimes te faire aimer? Ben, ça, c'est ce que ça veut dire aussi. Ça veut pas nécessairement dire que toi, t'aimes la personne. Non, mais tu commences à l'apprécier parce que la personne t'apprécie. Ok, c'est oui. C'est un terme donc psychologique pour décrire ce phénomène où les gens aiment plus les gens qui les aiment bien. Hein? Donc, c'est la notion que les gens se sentent mieux au sujet d'eux-mêmes, sachant qu'ils sont aimés. Donc, et qu'ils aiment bien la compagnie de ceux qui leur donnent des sentiments, dans le fond, des sentiments positifs. Mais de façon logique, c'est comme ça que ça devrait fonctionner, non? Ben, Tu sais, c'est qu'il faudrait arrêter de courir après ce qu'on peut pas vraiment avoir. Ouais, peut-être. Puis ceux qui ne nous veulent pas. C'est ce qui crée des amitiés, c'est ce qui crée des attirances interpersonnelles. Vu comme ça. Voilà. Ensuite, les dents de requin. Oui. Sont enrobées de fluorure. Ce qui, dans le fond, c'est un peu comme ce qu'il y a dans la pâte à dents. Hein? Donc, ça garde les bouches des requins bien en santé, bien propres. Je me demande si ça sent bon de la bouche. Peut-être. Je sais pas pourquoi je viens de penser à ça. On reste chez les animaux. Lorsque les écureuils croient qu'ils sont surveillés, ils vont faire semblant d'enterrer des objets, mais ils vont cacher les objets dans leur bouche. C'est un comportement mensonger. Ils vont faire semblant de les enterrer. Par exemple, leur noix. Et puis, ils vont aussi se cacher derrière la végétation. Ils vont enterrer la nourriture ou la cacher haut dans les arbres. C'est un répertoire complexe qui suggère que leur comportement n'est pas inné, mais qu'ils l'ont appris avec le temps. C'est mesquin, des écureuils. Tout à fait. Il est là. Ensuite, les humains peuvent entendre la différence entre de l'eau froide et de l'eau chaude qui est versée. Parce que la viscosité de l'eau va descendre alors que la température augmente. Plus tu fais chauffer de l'eau... Il va y avoir donc, elle va avoir plus d'énergie et ses molécules vont avoir moins tendance à coller ensemble. Si elles collent moins ensemble, ça va faire des plus petites particules et moins de force appliquée à la surface sur laquelle c'est versé. Donc, il y a une différence dans le son des deux. Ben, Moses. Pour pouvoir punir trois voleurs qui avaient coupé des arbres illégalement, il y a des villes qui vont mettre du spray sur les arbres. C'est de l'urine de renard dans le coin de Noël. Ça va geler sur l'arbre. Ça ne sent rien à l'extérieur, mais ça empeste la maison lorsqu'amené à l'intérieur quand ça fond. Et apparemment que l'odeur te fait couler des yeux. OK, mais toi, faut que tu partes, là. Comment? Tu sais, comme toi, si t'habites là, tu plouches pas ça si tu restes dans la maison, là. Non, c'est ça. Non, évidemment pas. C'est les rangers, les ouais, c'est sûr. De la forêt qui vont faire ça. Une boisson gazeuse fictive a été créée pour prouver l'efficacité des publicités sur les autobus. Il y a tellement de gens qui ont commencé à demander cette boisson-là qu'on a commencé à la fabriquer dans des restaurants et dans des compagnies de boissons gazeuses. Donc une fausse liqueur, juste pour tester les publicités sur les bus. Ça s'appelait Limonana, un type de limonade fabriqué à partir de jus de citron fraîchement pressé et des feuilles de menthe. C'est populaire dans les pays comme l'Égypte, Israël, Jordanie, le Liban et la Syrie. Limonana. Il y a une petite ville d'environ 200 personnes qui vivent presque toutes les personnes dans la même bâtisse. C'est un endroit où à n'importe quelle heure de la journée, un résident peut cogner à la porte de l'appartement du chef de police. Et les étudiants peuvent aller chercher de l'aide pour leurs devoirs à la table de la cuisine de leur professeur. Ah, c'est cool! Mignon, hein? En tout cas, il y a des photos sur assemblagerequis.com. C'est en Alaska, à Whittier. Une ville, donc, comme je disais, d'environ 200 personnes. Presque tout le monde vit dans cette bâtisse de 14 étages. Des anciennes baraques d'armée construites en 1956. La bâtisse s'appelle Beijing Towers. Ça a une station de police, une clinique de santé, une église et un lavoir pour laver ses vêtements. Les corridors ressemblent à ceux d'une école. Et donc, on peut trouver les résidents du bloc en pyjama et en pantoufles un peu partout. Et puis, ça dit que l'hiver est tellement féroce que le seul terrain de jeu est à l'intérieur avec du sable et tout et tout. Ben oui. Il y a des photos d'ailleurs du... C'est plate un peu parce qu'à 200 personnes, tu ne dois pas vraiment sortir à tous les soirs. Non, c'est vrai. Je me demande s'il y a un bar. Ça doit. C'est dance floor, là. Un bar dans le lobby de l'immeuble, ça comme à l'hôtel. Maintenant, on s'en va au Tadjikistan. Le mono-sourcil, uni-sourcil, tu sais, avoir un seul long sourcil, c'est vu comme une qualité très attirante chez les hommes et chez les femmes. Pour les femmes, c'est associé avec la virginité et la pureté, alors que chez les hommes, c'est la virilité. Les femmes qui ne sont pas bénies de poils entre les sourcils vont en porter en maquillage. Mais voyons. Je sais. C'est-tu parce qu'en temps normal, quand t'es jeune, tu comprends pas vraiment c'est quoi l'art de se faire les sourcils? Fait que c'est pour ça que ça impliquerait la virginité. Parce que t'es jeune, tu sais, tu sais pas c'est quoi de prendre la pince à sourcils et de te torturer comme ça. C'est charmant, tu sais. C'est charmant. Puis il dit, quand je passe maintenant au café Frida, tu sais, Frida Kahlo, l'artiste peintre et autres, qui avait un seul sourcil. Hein. À chaque fois que je pense à Frida, café Frida, je pense à ça. Je pense à son uni sourcil. C'est vrai. C'est laid. La mentalité du crabe. Oh, mais c'est laid pour les gens ici. Ah, c'est vrai. La mentalité du crabe, qu'on appelle aussi Crabs in the Bucket. C'est une phrase qui décrit une façon de penser qui serait aussi représentée par la phrase « Si je ne peux pas l'avoir, toi non plus, tu ne peux pas l'avoir. » Donc, c'est une métaphore qui fait référence à un chaudron de crabe. Individuellement, les crabes pourraient facilement s'échapper du chaudron, mais à la place, ils vont s'accrocher à l'autre crabe pour faire une genre de compétition, genre du roi de la montagne, ce qui empêche les deux de s'enfuir et ce qui assure que les deux vont mourir. Donc, ça s'appelle la mentalité du crabe. C'est donc ben niaiseux, les crabes. Si je coule, tu couleras toi aussi. Ouais, c'est ça. Hein? C'est un peu ce que ça veut dire. C'est une question de jalousie et de compétitivité. Clairement. Ensuite, l'Australie a un service d'inscription pour des chiots gratuits. Oh, hein? Si vous voulez vous occuper de chiens adorables gratuitement sans aucun engagement à long terme, ce rêve peut-être impossible avant devient maintenant une réalité pour les résidents de Victoria dans le Queensland et New South Wales en Australie grâce à Seeing Eye Dogs Australia. C'est un service d'abonnement pour avoir des chiots qui permet aux Australiens de s'inscrire comme on s'inscrirait à un magazine et ça vous permet de prendre soin d'un chien pendant environ un an avant d'échanger votre chiot pour un autre. Donc vous allez tout le temps avoir un petit chien qui sait pas comment faire ses besoins, qui connaît pas aucun tour, qui a de la misère à aller se faire promener. Donc tous les problèmes d'un chiot, mais à perpétuité. Donc le programme par abonnement essaie de trouver donc des gens pour prendre soin des futurs chiens, un peu comme ici on a pour les chiens Mira, jusqu'à ce qu'ils soient assez vieux pour être entraînés. Donc les personnes vont recevoir automatiquement un chien d'environ 8 semaines. On doit prendre soin de lui, le faire socialiser, l'entraîner jusqu'à ce qu'il ait entre 12 et 14 mois, 15 mois. Pardon. Puis après donc, ça, il faut que tu t'en défasses. Tu t'en défais après c'est ça. C'est triste. Oui, par contre, Seeing Eye Dogs Australia fournit la nourriture, les soins vétérinaires. Et si tu vas en vacances, ils vont en prendre soin pendant tes vacances. Donc, t'as pas vraiment les grands désavantages qu'un chien pourrait apporter. Bien sûr, avec ces chiots-là, viennent plusieurs responsabilités. On demande à ne pas laisser les chiens pendant plus que 3 heures à la fois seuls. Il faut qu'ils aient accès à une cour arrière. Il faut qu'ils soient disponibles pour des sessions d'entraînement avec un superviseur à chiot. Mais quand même, pour ceux qui veulent avoir un petit chien. C'est en cool. Australie, oui. On s'attend à ce que entre 30 et 40 chiens naissent dans les prochaines semaines pour le programme Seeing Eye Dogs. Et puis, vous pouvez aller voir la vidéo promotionnelle Free Puppies Forever sur assemblagerequis.com. C'est apparemment assez redondant. Ah ouais? Ouais. On reste chez les animaux, avec les autruches et les zèbres qui vont souvent vivre ensemble pour se protéger les uns les autres des prédateurs. L'autruche a une meilleure vision que le zèbre, et le zèbre est meilleur pour entendre et pour sentir le danger que l'autruche. Donc les deux travaillent ensemble. C'est du mutualisme qu'on appelle, donc une relation entre deux espèces d'organismes où les deux tirent profit de leur association. C'est pas mal ça. Ouais, intéressant quand même. Ensuite, allons-y avec ce livre du 16e siècle qui peut être lu de 6 différentes façons. Étrange. C'est imprimé au 16e siècle, à la fin du 16e siècle. C'est un petit livre de la National Library en Suède. C'est un, c'est ce qu'on appelle un six-fold dos-à-dos binding. Donc, c'est 6 livres qui ont été joints ensemble dans une seule publication qui peut être lu individuellement avec 6 pentures, si on veut. Donc, ce livre-là en particulier a été imprimé en Allemagne et presque tous les livres de cette époque-là étaient des livres religieux. Donc, on voit vraiment des pentures de chaque côté. Il y en a 6, évidemment. Et on peut l'ouvrir de la gauche à la droite, de l'avant, de l'arrière. Et d'en dessous à gauche et d'en dessous à droite. Ben oui. Hey, c'est fou ça quand même. C'est un peu difficile à expliquer pour les gens à la radio, mais quand même, donc le livre, une fois fermé, ressemble à un genre de sandwich à crème glacée. Oui. Et tu peux l'ouvrir de tous les côtés à cause de la peinture. C'est le fun au bout. Ensuite, on reste en Allemagne. Il y a une ville en Allemagne construite dans un cratère de météores. C'est Nordlingen en Allemagne. Ouais, donc c'est une ville de presque... en fait, ça fait... C'est dit que ce cratère-là a été créé il y a 15 millions d'années, c'est bien ça? Oui. Donc, ça a été construit, par contre, et rempli de gens depuis les 1200 dernières années. Une ville qui est au milieu d'un cratère causé par un météore géant dans la campagne bavarienne. Bavaroise, comment dit, je pense? Bavaroise. Bavaroise. Bavaroise. Donc, c'est ça. Grande ville, on voit la forme en photo sur assemblagerequis.com. On dirait un grand cercle, parce que c'est un grand cercle. Pourquoi ça me surprend pas qu'en plein milieu, il y a une église? Ah, j'avoue qu'ils l'ont placé directement au milieu. Hein? Oui. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est juste, c'est comme ça. Qui a envoyé les cratères, qui a envoyé c'est les météores. Ça. C'est ça, selon eux. Et la seule personne qui a déjà créé 3 compagnies qui sont devenues publiques sur le New York Stock Exchange, on parle de bourse ici, c'est un camionneur qui a commencé à créer des compagnies seulement parce que sa famille ne pouvait pas se permettre de l'envoyer à l'université. Donc, il a finalement créé une compagnie, une industrie complète de containers d'importation, exportation et les bateaux qui transportent ces containers. Donc, c'est un camionneur qui a créé ces 3 compagnies-là. Et j'imagine qu'il est devenu riche. En 2002, William Kankwamba, qui a lâché l'école secondaire à 14 ans, a construit une pompe à eau qui fonctionne à l'énergie solaire, qui, pour la première fois au monde, fournissait de l'eau buvable à son village. Il était incapable, un peu comme le gars juste avant, il était incapable de se permettre d'aller à l'école. Donc, il s'est enseigné à lui-même comment le faire en lisant des livres à la bibliothèque. Et c'est comme ça qu'il a réussi à créer cette pompe pour donner de l'eau à sa ville. C'est cool, ça. Ouais. Pendant la guerre froide, les plongeurs de la marine réparaient une cage à baleines. Ils ont entendu une voix humaine qui ressemblait à un humain, en tout cas qui criait « dehors, dehors, dehors », donc « out, out, out ». Et puis, ils sont sortis de l'eau pour voir qu'il n'y avait personne. Ils ont appris plus tard qu'une baleine beluga nommée Nock avait appris à imiter le comportement ou la voix humaine et essayait de communiquer avec eux. Ah! Ça, c'est très comique quand même. Ouais, ouais, ouais. C'est digne d'un film. C'est sympathique. Ah, c'est sympathique, mais j'ai de la difficulté à croire ça. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils parlent pas français que... Non, ça, je suis d'accord. Mais quand même. Mais quand même! Les animaux sont plus intelligents qu'on le pense. Ouais. Certains animaux, pas tous. En effet. Ensuite, quand il était acteur en difficulté, donc qui n'était pas encore connu, Jim Carrey s'est écrit à lui-même un chèque de 10 millions de dollars pour service d'acteur rendu. Il l'a daté de l'Action de grâce 1995. Ça, c'était quand il était beaucoup plus jeune qu'en 1995. Donc, en 1994, Carrey avait fait plusieurs millions de dollars en jouant dans Ace Ventura et La Cloche et l'Idiot. Donc, il a réussi, j'imagine, à pouvoir encaisser son chèque parce que c'était avant la date de 1995. Tu sais, quand tu veux quelque chose, Tania. Ouais. Tu peux ça, c'est croire en soi. Hein? Voilà. Félicitations, Jim Carrey. Voilà. Aux États-Unis, c'est légal pour les employeurs de mettre un quotient intellectuel maximal pour un emploi. On dit que les gens qui ont un quotient intellectuel plus élevé ont un plus grand risque de démissionner de leur emploi que ceux qui ont un QI plus faible. C'est selon ABC News, j'aurais tendance à leur faire confiance. C'est vrai, hein? Ensuite, les Amish, tu sais, ceux qui n'ont pas droit à des produits récents. Les comment on appelle ça, les juifs radicaux? Je crois qu'en français, on dit simplement des Amish, mais je ne me rappelle pas de quelle religion ils sont. Attends un peu, la communauté Amish, aujourd'hui présente surtout en Amérique du Nord, c'est une communauté religieuse anabaptiste. Oui, c'est ça, c'est ceux qui vivent comme dans la Saint-Anne. Exactement, donc fondée en 1693, et qui est pas mal de la même façon aujourd'hui. Hein. Mm-hmm. Donc les Amish sont parmi les populations qui grandissent le plus vite au monde. En moyenne, 7 enfants par famille. Oh. Certains diraient qu'ils ont vu ça à faire. Ouais, c'est ça. Je t'ai vu venir. Il y a seulement un joueur de la NFL qui est mort sur le terrain, c'est Chuck Hughes, en 1971. La partie a continué devant une foule silencieuse. Non! Je te promets. Il y a une page Wikipédia de Chuck Hughes. C'est méchant, ça? J'imagine que c'était pour jouer à sa mémoire. Ou peut-être qu'il est mort... En fait, on s'est dit qu'il est mort sur le terrain. Mais j'espère qu'ils ont attendu, là, ils ont retiré le corps, puis après ça, ils ont continué à jouer. Non, j'espère ils ont joué avec la tête du gars comme ballon. T'sais. Non, mais tu sais, ils ont peut-être... Oh, laisse faire. Non, je comprends ce que tu veux dire, mais peut-être qu'il est mort, mais qu'on l'a pas dit tout de suite au reste de l'équipe pour ne pas les... Peut-être que c'est une partie importante aussi. Ouais, peut-être qu'ils ont fait comme s'il était blessé, ils l'ont amené au vestiaire, puis... Oh, exactement. Il y a une version en français de sa page, on va aller voir si ça en parle. Donc, décès. Parlons-en. Le 24 octobre 1971, les Lions de Détroit reçoivent dans leur Tiger Stadium les Bears de Chicago. Une passe destinée à Chris Sanders, le tight end des Lions, n'avait pas été réussie et Hughes, ne faisant partie de l'action, revenait en arrière pour jouer le prochain snap. Évidemment, c'est une page française, eux utilisent des termes anglophones. Mais alors qu'il revenait, il s'effondre sur la ligne des 15 yards, donc les 15 verges adverses, alors que personne ne l'a touché. La première pensée à la vue de cette chute fut que Chuck simulait une blessure pour arrêter l'horloge, mais c'est le linebacker des Bears, Dick Butkus, affolé qui appela les soigneurs sur le terrain. Il fut évacué du stade et ne put être réanimé. Avant de quitter le stade, ses coéquipiers furent informés du décès du wide receiver. La cause de la mort est un durcissement des artères, mais l'hypothèse du dopage est vite écartée car des personnes de sa famille avaient eux aussi des problèmes cardiaques. Quelques jours plus tard, il est enterré à San Antonio. Lors de la cérémonie, ses 40 coéquipiers ainsi que l'entraîneur Joe Schmidt furent présents. Il laisse derrière lui sa femme Sharon Lee et son fils âgé en ces temps de 23 mois, Brandon. Les Lions de Détroit retirent par la suite le numéro 85 de leurs effectifs. Hughes ne reçoit que 15 ballon durant sa carrière professionnelle et ne marque aucun touchdown. Et ben. Et ouais. Ouais. Et pour terminer, Big Ben, l'Elizabeth Tower, on connaît la grande tour avec une horloge au-dessus là, à Londres, est tellement penchée qu'on peut voir le fait qu'elle est penchée à l'œil nu. Dans 4000 ans, elle va être arrivée au même angle que la tour de Pise maintenant. Ah ouais. Big Ben. D'accord. Mon Dieu, je savais pas ça. Voilà pour C'est un fait. Tania, on retourne en musique à entendre une chanson de Laurence Nerbonne. Oui, c'est une chanson qu'on aime quand même assez. On l'a découvert il y a quelques temps au palmarès. C'est fou. Je pense que ça fait quelques semaines qu'elle est parmi nos... C'est récent. Oui, c'est ça. C'est quand même assez récent. Je pense que c'est 2-3 semaines. On l'a fait jouer à quelques reprises à Assemblage requis. J'aime ta précision là-dedans. C'était une nouvelle entrée, en fait, la semaine passée. Et le palmarès tient toujours jusqu'au 10 avril. Et c'est Montréal Exo. Assemblage requis. Au 89 FM. Je reviens chez moi. Oui, je sais, j'ai pas trop changé. Il y a l'odeur de la pluie sur les rues qui m'attend. Je reviens, la vie n'a pas changé. Je reviens chez moi. Je reviens, cette fois fais monter. Il y a l'effet de tes yeux sur mon cœur qui m'attend. Retiens-moi, cette fois je vais rester. Oh, Montréal Exo de Laurence Nerbonne. Au retour à Assemblage requis, c'est des gadgets inutiles. Non, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 29 mars 2016 pour la semaine du 28 mars. Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, on l'a dit tantôt, dans quelques instants, ce sera ça existe, ça ne devrait pas, on l'a. Mais tout l'été, tout le printemps, barre oblique, la période entre les deux. Oui. On va jouer de la musique des Palmarès C'est fou parce que les Palmarès C'est fou prennent congé jusqu'en septembre. Mm-hmm, exactement. Donc peut-être un peu plus de musique de ce côté-là. Peut-être un petit peu, mais nous connaissant, probablement pas tant plus qu'une édition normale d'Assemblage requis, mettons, t'sais. Moins que dans les Palmarès, c'est fou, ça, c'est sûr. C'est sûr. On devait jouer une bonne trentaine et plus de pièces en trois heures. Ah ouais, si c'est pas plus. Là, on va en jouer probablement 5-6. Ouais. Genre, une par demi-heure, peut-être, dans ces coins-là. Justement, tiens, on a le temps encore. Prenons-en une pièce. C'est celle de Savages. Mm-hmm. Et c'est la pièce Adore. Adore. À son âge recueil. Au 89 FM. Miam. Mm-hmm. I adore life. Savages et la pièce Adore Life à assemblage requis. Maintenant, c'est le moment de s'acheter des choses. Yay, yeah, sur Internet. Ooh. Wow! C'est sexy. Mais qui sont pas nécessairement... Non, et avec l'argent qui n'existe pas nécessairement dans notre compte. Et voilà, c'est... surtout pas le nôtre. Hein. Si ça existe, ça ne devrait pas, là. Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Et on commence avec des baguettes pour manger des plats chinois, bien sûr. Donc, entre deux bouchées, c'est pas toujours facile de savoir où mettre ces chopsticks. C'est vrai. On peut les mettre sur une surface, comme la table. Peut-être que c'est déjà sale, peut-être que vous avez échappé de la sauce soya. En tout cas, moi, c'est mon cas. Vous pouvez essayer de les balancer sur le côté de votre assiette, de votre bol. Ça tient jamais. Donc, les Gravity Chopsticks sont des chopsticks qui gardent vos... dans le fond, ce sont des baguettes chinoises que t'achètes... individuellement, c'est pas un gadget. Pas des baguettes chinoises à se mettre dans les cheveux, là. Non, mais c'est dans le sens que c'est pas... Tu comprends ce que je veux dire. Tu vas pas acheter ce gadget-là pour aller avec tes baguettes que t'as déjà. C'est des baguettes non, c'est que tu dois acheter en tant que tel. Donc, ce qui se passe, dans le fond, c'est qu'il y a un poids dans le haut des baguettes. Et quand tu mets sur la table, les baguettes en tant que telles sont élevées un petit peu. Donc, le poids en arrière vient comme s'équilibrer ou balancer pour que les baguettes ne touchent jamais à la table en tant que telle. Donc, il y a comme un petit angle, si on veut. Donc, les baguettes, tu les mets sur la table, le poids pèse sur le derrière et ça monte un petit peu tes baguettes. Donc, ça a ramassé son argent sur Kickstarter. En fait, il reste encore du temps. Il reste 21 jours. Ils sont rendus à 9286 sur 7000 en date d'aujourd'hui. Très joli, en plus, fait d'aluminium, de blocs d'aluminium. Et les bouts en tant que tels sont faits en bois de l'érable naturel. Fabriqué aux États-Unis avec précision. Incroyable et design bien pensé, difficile. Donc, c'est Gravity Chopsticks. Le lien sur assemblagerequis.com. Mais vous pouvez chercher Gravity Chopsticks. Je trouvais l'idée quand même bonne. C'est une très bonne idée. Ouais. Ensuite, le Trap Tap, c'est un indicateur de Speed Trap. Vous savez ce que c'est les Speed Traps? C'est les pièges que les policiers tendent pour attraper les gens qui font de la vitesse. Oui. Donc, ça utilise l'information ramassée sur Internet à la place de sensor. Donc, le Trap Tap Speed Trap Indicator veut vous avertir s'il y a des caméras ou lumières rouges. Des speed traps, comme je viens de dire, des trucs comme ça, des accidents peut-être même. Donc, c'est un petit gadget circulaire qui se connecte à une application via Bluetooth et ça va allumer les. Ça va. Pardon, je suis déconcentré. Ah, voilà. Les oiseaux me tapaient ses nerfs en arrière. Bon, j'avais la belle idée de mettre des oiseaux tout le long, mais bon. Ouais, hein. Ça va s'allumer s'il y a une caméra de lumière rouge ou s'il y a une zone d'autobus scolaire ou s'il y a une station de police, ça va s'allumer bleu. Les trappes à radar, ça va être une autre couleur, vert pour les... bon, bref, il y a toutes sortes de couleurs différentes. L'application a une base de données à l'intérieur qui va réussir à couvrir les lumières rouges et les autobus scolaires dans 60 pays. Donc ça, pas besoin d'Internet pour ça, absolument pas. Ça suffit sur les utilisateurs qui vont taper deux fois sur le bouton lorsqu'ils sont proches d'un speed trap. Ça va alerter les autres dans leur environnement. Et contrairement à des détecteurs de radar, c'est 100% légal. Donc, c'est facile de le mettre dans une autre voiture, de le passer à ses amis, c'est réutilisable. Et c'est un petit collant, un sticky pad sur le dessous qui va faire tourner ça dans votre voiture. On peut précommander ça chez Kickstarter pour 100$ et plus. C'est le Trap Tap Speed Trap Indicator. Enfin. Ensuite, c'est une machine qui va décorer vos œufs de Pâques, ou les œufs en général, avec des charpies. C'est une machine qu'on fabrique soi-même, c'est le Eggbot. Si décorer des œufs de Pâques, des œufs de Pâques, c'est trop plate pour vous, peut-être devriez-vous l'automatiser. Vous pouvez acheter cette machine-là sur egg-bot.com ou encore la fabriquer vous-même en utilisant un kit Lego Mindstorms EV3 et les plans de Jason Allman. Pour les instructions et le code de programmation, c'est disponible chez jkbrickworks.com. Mais en gros, bon, t'as une petite machine connectée à un petit robot et le Sharpie s'insère dans le robot et le Sharpie dessine des formes pré-conçues. Donc un pattern qui va être exactement droit sur l'œuf, il y aura pas de, ce sera pas tout croche comme si vous l'aviez fait à la main, voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Ensuite, est-ce que tu as des plantes à la maison? Oui, mais vraiment pas beaucoup. Ok, t'aurais pu dire comme moi, oui j'en ai, mais elles sont mortes depuis des années. Et puis... Ben non, parce que j'ai quand même une maman qui les nourrit. Une chance. Moi, je suis seul, puis il meurt. C'est ça. Donc vous pouvez déterminer si vos plantes ont besoin d'être arrosées grâce à PlantLink Lush. Donc PlantLink, c'est la suite du premier PlantLink, premier du nom qui était sorti il y a 2 ans environ. Donc, c'est un nouveau modèle dans ce cas-ci. C'est un appareil sans fil qui est inséré dans la terre près de la plante. Ça va communiquer avec une station de base. Et la base, elle, est connectée à votre routeur et ça connecte les liens sur le site de PlantLink où les données sont ramassées. Osso Technologies a développé un appareil encore mieux que ce que j'ai d'expliquer là, qui était le PlantLink. Le PlantLink Lush s'en vient. Donc, le système inclut un nouveau link amélioré qui va non seulement communiquer avec la station de base, mais va aussi communiquer les données d'humidité de votre eau à une valve PlantLink. Et le valve va être connecté à un évier, hein, qui va automatiquement envoyer, à un évier ou à une hose, qui va automatiquement envoyer le nécessaire d'eau à la plante. Ou tu peux aussi avoir un horaire pour que l'eau s'allume, ou encore même manuellement via l'application iOS et Android pour envoyer de l'eau quand vous en avez envie. Ça vous permet de surveiller votre plante de n'importe où dans le monde. Et chaque station de base peut avoir jusqu'à 64 liens ou valves, ou en tout cas pour envoyer de l'eau. Osso Technologies commence à prendre des précommandes pour le PlantLink Lush à partir du 1er mai prochain et l'appareil sera disponible à la fin du mois de juin. Vous pouvez visiter le site myplantlink.com pour plus d'informations sur PlantLink Lush. Il faut vraiment avoir beaucoup de plantes pour ça. Oui, mettons, hein. J'imagine, il n'y a pas le prix, là, mais j'imagine que ça doit être cher. Ouais. Ensuite, dans le garde-robe, des fois, c'est difficile de trouver ses vêtements. Peut-être as-tu déjà vécu ça, tu dois chercher oui. un petit peu, c'est difficile, vraiment c'est noir. Beaucoup. Là, tu allumes tout ton rideau pour avoir plus de lumière, ça commence à être difficile. Donc, illuminez vos garde-robes, hein, avec ces Dimmable Motion Activated Light. Ça va automatiquement s'allumer lorsque ça voit du mouvement. Et ça a un timer ajustable ou automatique qui peut s'éteindre entre 30 secondes et 10 minutes après qu'il y ait eu un mouvement. Donc, une lumière qui se met dans le garde-robe, qui s'allume lorsque vous entrez. 65$, quand même cher. Peut-être que ce serait moins cher de prendre les lumières, que tu peux juste appuyer dessus pour l'allumer. Mm-hmm. Mais bon, c'est vrai. Chacun son luxe. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être dans le garde-robe, ça peut être à peu près n'importe où qu'on utilise ce gadget. Ensuite, le camping s'en vient, peut-être si l'été peut arriver. Hein. C'est pas parce qu'on est en mode estival à assemblage requis que l'été est arrivé. Hein. Ah, c'est vrai. Donc, c'est la Waterproof Cardboard Tent, une tente en carton à l'épreuve de l'eau. Améliorer votre expérience de camping lors de peut-être un festival de musique ou quelque chose comme ça. Donc, ça s'insère en quelques secondes, c'est recyclable, c'est assez solide pour durer dans la pluie jusqu'à 4 jours sans aucune goutte qui va entrer dans la tente, même si tout ça est fait en carton. C'est du vrai carton, parfait peut-être même pour les sans-abri. Hein? Mm-hmm. Pour 55$ par personne, ça dure 4 jours, ça commence à être cher. Ouais, quand même. Que voulez-vous? C'est mignon, c'est joli, ça ressemble à une petite shed ou à une petite cabane, un cabanon, si on veut. Oh. Plus qu'à une tente, c'est quand même joli. Ensuite, c'est des bijoux avec des plantes à l'intérieur du bijou. Hein? Donc, n'importe quel bijou peut prendre vie, littéralement, avec un petit accent de plantes, que ce soit des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles. C'est une collection de plantes qui se mettent. Et en fait, ici, c'est sur Etsy que ça dit d'acheter. Je crois que c'est. Faut acheter le bijou avec. C'est pas quelque chose qu'on peut ajouter à son bijou. Ouais, non, c'est voilà. ça. Donc, t'as des bracelets manchettes, fleurs à boutonnière, couronne de fleurs, tout ça avec de vraies plantes dessus. Faut-tu que tu l'entretiennes, tu sais, maintenant? Faut-tu que tu l'arroses, tu penses? D'après moi, oui. On va aller voir s'il n'y a pas dans une des pages les précisions. C'est fait de laiton. Ah, OK. Réalisé sur commande. Fait à la main. C'est tellement mal traduit, c'est difficile. Bracelet 3 quarts de pouce de large. Ouvrir délicatement le bracelet pour le mettre et presser doucement pour serrer. Chaque pièce est faite sur commande. Son propre arrangement distinct de plantes. Après que les plantes soient en pot, la base peut être portée pleine. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça veut dire peut-être que si la plante finit par mourir, tu peux continuer à porter le bijou sans la plante à l'intérieur. Donc, d'après moi, il faut l'entretenir un petit peu. D'après moi. Mais je ne sais pas. Ensuite, c'est le Hurricane 9. Qui va lancer des disques de plastique volant à des centaines de pieds de distance pour que votre chien puisse l'attraper. C'est un jouet pour chien. Hein? Donc, jouez avec votre chien, mais si vous êtes paresseux, ça peut être difficile cette année de lancer la balle. Donc, à la place, tu tires avec ce gun à jouet de plastique. Tu vas le lancer à plusieurs centaines de pieds ou loin et ça va être beaucoup plus long avant que ton chien revienne. Donc, tu vas jouer moins un peu. Hein? Le Hurricane 9 va vous empêcher de faire trop d'efforts. C'est un launcher, donc un lanceur d'anneaux de foam, de styromousse et non pas de plastique, comme j'ai dit. Ça tire jusqu'à 120 pieds de distance. Et quand même. Tu tires sur le mécanisme et tu regardes l'anneau s'envoyer dans les airs à des distances ridicules. Il y a même une version XL qui va lancer des anneaux jusqu'à 100 verges de loin de distance. C'est fait de mousse éthylène vinyle acétate, les mêmes matériaux utilisés pour les Crocs, les souliers. Donc, c'est capable d'être pris entre les dents d'un chien sans aucun problème. Je me demande peut-être pas de tirer dessus. Là. Il va falloir remplacer les anneaux éventuellement, mais ça vient avec 3 anneaux à la base. Et on va pouvoir en commander d'autres. C'est sur Kickstarter pour 39$. Est-ce qu'ils sont rendus à leur but? On va aller voir. Oui, ils l'ont vraiment dépassé. 23 000 sur 4 980. Ah ouais? Presque 29 000 même. Mon Dieu. Ça va très bien. Ensuite, c'est un parapluie qui s'assèche lui-même. En fait, pas le parapluie, mais l'eau s'assèche en quelques instants, juste en brassant le parapluie. Oui. Donc, une fois qu'on a terminé avec un parapluie, bon, il faut en prendre soin, parce que si on le ferme tout de suite, bon, ça pourrait faire de la moisissure, ça pourrait faire couler l'eau partout dans l'appartement. Donc, il faut une place pour le faire sécher, pour pas que ça laisse de traces sur votre tapis. Donc, le Instant Dry Umbrella, lui, ce qu'on a à faire, c'est le shaker, le brasser une fois, et on peut le serrer. Donc, c'est fait d'un tissu qui repousse le liquide ou l'eau. Et puis ça va faire des billes tout de suite quand il pleut dessus. Quand tu reviens à la maison, t'as juste à brasser une fois et ça laisse un parapluie complètement sec. C'est disponible chez Moment pour 48$. Ah, ben oui, hein. 48$, c'est. Quand même. C'est cher pour un parapluie. Ensuite, on bouffe un peu avec. Ça aurait très bien pu être dans la chronique une grosse pointe d'adresse, mais comme on peut l'acheter ici rapidement sur Internet, allons-y avec ça. C'est le pot de Nutella à utilisation unique. Mm-hmm. Donc, partagez votre chocolat avec peut-être une personne max, une toast chaque, avec ses plats, ses pots à utilisation unique. C'est 25 grammes et c'est idéal pour l'amener sur la route et pour limiter aussi vos portions pour 23$. Évidemment, une fois que le pot est terminé, tu peux en mettre d'autres dedans et ça peut être utilisé à vitam aeternam. Hein? Donc ici, c'est on l'a en emballage de 16. C'est des 0,88 onces. Donc, quand je disais 25 grammes, c'est pas mal ça. 16 petites bouteilles de vitre. C'est fabriqué en Italie. Bouteille protégée, donc avec paroi double, emballage de qualité, ça devrait pas casser dans la sacoche si facilement que ça. Et ça va bien sûr démarrer des conversations. Clairement. Ben oui, parfait pour l'école, parfait pour le travail, parfait pour les parties, parfait pour le bon Noël d'un jour. Ah ah! Oui, donc voilà, mini Nutella single serve jar. Ensuite, on a parlé de rester au sec avec un parapluie tantôt. Maintenant, oui. C'est un poncho de vélo. OK. Donc, restez au sec pendant que vous pédalez dans les rues avec ce poncho de vélo. C'est un design pliable qui ressemble un petit peu à une tente. Donc, tu t'installes ça sur le corps au complet. T'as une capuche avec une petite palette de casquettes à l'avant. Et ton corps au complet est un poncho à vélo. Donc, tu tires en avant sur le devant de ton poncho et tu viens envelopper les poignets. Et là, c'est fait solide, donc tu peux continuer de tenir tes poignets par-dessus. Et le dos vient comme juste en arrière de ton dos sur le siège. Donc tu protèges ton vélo, tu te protèges toi-même. Comme ça, quand tu arrives au bureau, peu importe, tout est parfait. Tu peux entrer ton vélo dans ton bureau sans avoir à mettre d'eau partout. Voilà. À 76,02$ chez vanmoof.com. Ensuite, c'est le projet Sticker, qu'on appelle le Sticker Project. Quand t'as beaucoup de câbles et que t'as de la misère à te retrouver, de fils, ben ça oui. arrive. Donc, ça va identifier vos adaptateurs d'électricité facilement grâce à des petits autocollants qui s'adhèrent aux adaptateurs eux-mêmes, à la prise de courant, pas la prise de courant, mais au fil, virtuellement tous vos appareils électroniques. Donc, ça vient avec des petits identificateurs, que ce soit, ton laptop, ça peut être ton réfrigérateur, ça peut être ton téléphone cellulaire. Donc, c'est des icônes noires et blancs. Sur des petits disques transparents qui vont pouvoir accommoder plusieurs prises. Donc, c'est des petits collants ronds, finalement, que tu mets sur le fil ou sur l'adaptateur de courant. Mm-hmm. Et puis, c'est facile, là, une lampe, une peu importe, pour identifier vos fils. Simple de même. Ensuite, c'est des sous-verres en cuir, mais pas n'importe quel cuir, les mêmes cuirs utilisés dans la NFL et la NBA. Pour vous assurer que vos verres ne tomberont pas sur la table et ne pas faire de marque sur votre table. Donc, c'est du cuir Horween, identique à celui utilisé sur les ballons de football de la NFL et les ballons de basket de la NBA. Ça offre une grippe assez solide pour garder votre verre dessus. Et évidemment, c'est parfait pour mettre en-dessous de votre bière si vous regardez des sports. C'est cool, ça. 35$ chez Cool Materials The Shop. Ensuite, une pomme de douche qui va vous dire la température, mais visuellement. Ah, c'est hot. Avant, non, c'est hot et c'est cool. Assurez-vous que l'eau soit à la bonne température en installant ça dans votre salle de bain. C'est une pomme de douche avec température. Donc, ça a 5 paramètres, dont le mode d'économie de l'eau. Hein? Ça vient avec des lumières LED qui vont s'allumer de différentes couleurs dépendant de la température. Donc, si l'eau est chaude, j'imagine que c'est rouge. Si c'est correct, ça doit être vert, etc., etc. Je vois rouge, je vois vert, je vois bleu. Bleu, ça doit être trop froid. J'imagine. Bleu trop froid, rouge trop chaud et vert jusqu'à là. Ça doit. Sûrement. 45$ pour cette pomme de douche. C'est pas cher pour une pomme de douche, ayant acheté plusieurs pommes de douche de même. Ensuite, quand même, assez intéressant, ça, avec Pâques qui vient de se passer, c'est pour rendre l'heure du thé un petit peu plus délicieuse avec une théière en chocolat. Mm-hmm. C'est britannique, c'est fait à la main, entièrement de chocolat foncé. Ça peut être utilisé pour servir votre boisson préférée ou encore de la trempette, peut-être une fondue au chocolat, quelque chose comme ça. Et après ça, on peut manger la théière au complet. C'est clair que si tu laisses là très longtemps et c'est extrêmement chaud, ta théière va comme couler. C'est ça, mais c'est protégé de l'intérieur pour pas faire ça rapidement. Mais oui, avec le temps, c'est certain que ça va finir par se défaire. Donc c'est ça, c'est de la grandeur d'une théière normale, parfait pour la fondue, pour les fraises entre autres. On la voit avec des petites fraises sur la photo sur assemblagerequet.com. Et puis qu'est-ce que ça dit? Qualité chocolat foncé 58%. Mm-hmm. On remplit la théière d'eau chaude, on brasse la poudre de cacao et là ça donne du chocolat chaud dans la théière. Voilà, c'est tout, ça dit pas vraiment combien de temps ça peut durer. Mais okay. Sur la tablette en tant que telle, ça dure 18 mois avant d'avoir à le manger ou de l'utiliser. Et il n'y a pas de garantie, tu peux pas la retourner sur le site de Fireball. Malheureusement. Hein? Non, c'est normal, je pense. Ensuite, des petites lampes de poche dans un petit carnet de comment on appelle ça, des allumettes, voilà. Oui. Donc, pour instantanément allumer votre entourage avec des petites allumettes, mais qui sont aussi des petites lampes de poche. Oh. Donc, disponibles en trois couleurs. C'est des lampes de poche miniatures, complètement à l'épreuve de l'eau et avec une base magnétique pour qu'on puisse les coller presque n'importe où. Mais ça vient dans un petit enrobage qui ressemble, une petite enveloppe qui ressemble vraiment à un paquet d'allumettes. 32$. 32$. OK, c'est quand même assez dispendieux. Ouais. Celui-là, c'est drôle, j'en parlerai pas, je saute le prochain, là. Je vais juste vous donner un petit indice pour une prochaine chronique, la chronique que j'arrête pas d'agacer le monde avec ça, comme je vais la faire un jour, là, la chronique qui vient comme démystifier ou dire que telle chose ou telle chose a été dite à la radio ou dans les médias, que c'était faux, là. C'est un genre de briseur de mythes, un genre d'inspecteur viral ou peu importe. Là. Celui-là, j'ai vu un article disant que c'était pas vrai. Donc okay. Le Triton Rebreather, qui était un peu comme des bronchies artificielles qui permettaient de respirer sous l'eau sans aucun équipement sauf ça. C'est apparemment tout à fait faux et impossible, donc j'en parlerai pas maintenant, j'en parlerai dans ma chronique une autre fois, peut-être la semaine prochaine. D'accord. Ensuite, on a parlé tantôt de tirer des objets pour votre chien. Maintenant, tirez des choses à votre saoulon préféré avec un machine gun de champagne. Oh. Ah ouais. Aide-moi. Surtout pour les amateurs de courses de char comme toi, Tania, une douche d'alcool, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans les courses automobiles. Quelque chose qu'on vit souvent, ouais. Ouais. Donc ici, du champagne de façon un petit peu intense, pas mal. Donc c'est le champagne machine gun qui tire votre bouteille pour pouvoir tirer un spray de ce liquide à bulles. Il n'y a pas vraiment de mécanisme, par contre, il faut quand même ouvrir la bouteille manuellement et la brasser. Et on peut mettre son doigt sur l'ouverture pour avoir une vraie pression. Donc, en tant que tel, c'est juste pour avoir l'air cool quand vous faites le même principe que vous faites déjà avec votre bouteille de champagne. Ça coûte 459$ pour le gun. Ça vient en rosé, rosé genre doré rose, là. Mm-hmm. Chrome et or. Étant donné le prix et l'aspect ridicule de la chose, ça se vendra sûrement pas, mais quand même, ça existe. Mais ça ne devrait pas le titre de la chronique. Hein? Non. Ah ouais. Ensuite, vous connaissez peut-être dans le jeu vidéo Fallout, il y a des céréales qui s'appellent les Sugar Bombs. Okay. C'est la marque de céréales la plus populaire du jeu. Ça vous donne des points de santé. Ça contient aussi 100% de la valeur quotidienne nécessaire de sucre. La céréale, en tant que telle, n'est pas réelle, mais le bol l'est ici. C'est un bol de 14 onces pour les céréales, que vous pourrez mettre qui ressemblent à des céréales de Fallout, mais c'est quand même pas les vraies parce qu'elles sont pas disponibles. C'est dans un jeu vidéo. Donc, c'est un bol, tout simplement, où c'est écrit Sugar Bombs avec le logo et l'apparence qu'on a dans le jeu Fallout. Sinon, ça coûte 12$ chez Think Geek. C'est un vrai produit qu'on peut vraiment acheter. Think Geek sort n'importe quoi. Surtout les choses geek, hein? C'est quand ça même, affaire. Ouais. Parlant de choses geek, mais qui en même temps est assez mainstream, tout le monde utilise le petit poop emoji, le petit emoji de caca. Oui. Uh-huh. Donc maintenant, c'est les poop peeps. C'est un blogueur qui s'appelle Matthew Ceta qui a transformé l'humble peep qu'on connaît, là, les petits lapins et les petits canards, en une crotte. Et on peut. Est-ce qu'on peut se les procurer? Oh, malheureusement, on peut pas se les procurer, il faut absolument les commander, les faire mm-hmm. soi-même. Voilà. Donc c'est des guimauves en forme de caca. Le lien sur assemblagerequet.com, bien sûr. Ensuite, des élastiques à résistance pour s'entraîner, tu connais ça? Oui. Lift Up, c'est les premières bandes de résistance intelligentes. Ah, OK. Moi, intelligente, pourquoi? Ben, c'est une façon efficace de s'entraîner avec, attends un peu, ça se connecte sans fil à une application mobile pour guider ton entraînement, te donner des commentaires en temps réel, compter le nombre de tirs que tu as fait, la force que tu as utilisée pour le tirer et le nombre de calories que tu as brûlé. Voilà. Mm. Donc, c'est supposé rendre vos exercices par élastique ou par autre truc comme ça plus divertissant, intéressant et utile. Voilà. Et c'est un look moderne quand même pour ce gadget-là. Pas grand-chose à dire sur l'apparence, c'est un peu chromé. Ouais, c'est juste l'air de des poids. C'est ça, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, pour améliorer votre posture dans la voiture, si vous avez mal au dos des fois et que vous voulez optimiser votre posture dans votre véhicule, donc c'est un coussin qui fait à peu près n'importe où. Ça peut supporter jusqu'à 300 livres. C'est fait pour tilter vos hanches un petit peu vers le haut pour que votre colonne vertébrale reste dans sa position droite et relaxée en même temps. OK. Donc, c'est le Posture Improving Seat Cushion sur Amazon.com. Ça coûte 39$. C'est le Back Joy, tiens. Disponible en plusieurs couleurs. Noir, bleu, rose, orange, rouge, jaune, vert. Les autres, on les avait déjà vus. Déjà dit. Donc, le Back Joy pour avoir moins mal au dos. Distille. Ouais, ensuite, distille. Distille. Ensuite, c'est un sac à lunch, un peu comme les sacs en papier ou en papier brun, là, mais oui. À la place, c'est en tissu. OK. Pour transporter cool. votre sac tout en ayant quand même. Je trouve que c'est beau, moi, ces sacs-là. C'est-tu du cuir? Ça ressemble à du cuir. C'est du waxed duck canvas. OK. J'ai aucune idée ce que c'est. C'est canevas fait de canard. Du canevas de canard, on dirait. Donc, c'est par la compagnie Peg & Owl. Ça s'appelle le Marlow Lunch Bag. 15 onces de tissu a été utilisé pour ressembler à ce sac de papier. Avec une petite poche en avant pour ajouter d'autres choses. J'imagine, je sais pas ce qu'on pourrait mettre en avant, mais je sais pas, de l'argent, je sais pas. Peut-être une petite note, tiens, ils disent de mettre une petite note écrite, par exemple. Ça vient en 6 couleurs. Il y a le classique brun qui ressemble à du papier brun. Il y a le rouge, le noir et plusieurs autres. On peut facilement le laver, le mettre même à la machine à laver, l'utiliser plusieurs fois, le nombre de fois que vous voulez. On fait sur Amazon, $44 américains, par la compagnie, donc, Peg & Owl. Hmm. Ensuite, Nike sort une paire de souliers à thématique poulet et gaufre. On a déjà dit qu'aux États-Unis, c'est très populaire comme plat poulet et gaufre. Ouais, c'est vrai. C'est bizarre, mais bon, c'est pas une blague. Apparemment, ça sent bien pour vrai. C'est les SB Dunk High Sneakers. Disponible chez certaines boutiques Nike SB au début du mois d'avril. Après que Nike ait révélé une ligne de souliers basée sur des desserts l'automne dernier, donc ils continuent dans le même genre. Tout ce qu'il y a à dire, c'est que la semelle est un petit peu un genre de brun... C'est brun beige? Ouais, brun beige. Ouais, le dessus est beige pâle avec un petit quadrillé qui ressemble à des gaufres. Et le logo de Nike a du sirop d'érable qui lui coule dessus. Voilà. Et à l'intérieur, il y a des gaufres pré-mangés et une pas mangée. C'est drôle, hein? Je me demande s'il y a des gens qui vont les acheter. Ah, c'est sûr qu'il y en a. Nike, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est Nike. Ça leur a pas coûté cher à les faire, fait qu'au pire. Non, c'est vrai. Au pire. Et pour terminer ce bloc de ça existe, ça ne répond là, c'est un tube pour faire votre propre endoscopie. Eww. Ouais, pour rentrer ça dans des cavités anales avec un tube USB. Avec une caméra à l'épreuve de l'eau, à l'épreuve de d'autres liquides aussi, de 7 mm, capable de transmettre des images de 640 par 480 pixels à 30 images par seconde pour aller voir vous-même à l'intérieur de vous-même sans aucune connaissance médicale. Hein? Hmm. Ça coûte 28$, pas trop cher, mais votre diagnostic, lui, ne vaudra rien. Ouais. Vous pouvez le commander avec shipping rapide en plus, hein, c'est vraiment pressant. Ouais. Ça fonctionne sur les Samsung Galaxy, ça fonctionne avec... Ça dit pas iPhone. Donc, d'après moi, c'est seulement sur les Android. Voilà. Lumière LED ajustable. Et, ouais. Ça s'appelle le Blue Fire Endoscope Tube. C'est tout pour Ça existe, ça ne devrait pas. On l'a. En tout cas, ce premier bloc. On aura sûrement un autre tantôt. On a quand même pas mal de temps. Mais pour l'instant, on retourne en musique. On s'en va entendre une pièce de Marie-Ève Roy. Voici ton appel. Au 89 FM. Si, votre téléphone, si vous le cherchez, votre téléphone est peut-être entré dans votre orifice anal. You, faites pas ça. Devenue Marie-Ève Roy, la pièce Ton Appel, à Assemblage requis. Autour de la pause, Tania is gonna entertain ya. Restez là. Aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Bon, on est toujours à Assemblage requis pour la semaine du 28 mars 2016. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, oui, oui, vous avez bien compris, c'est Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Ce n'est pas les valeurs assez fous. Non. Les valeurs assez fous sont en congé jusqu'à l'automne. Assemblage requis le matin aussi est en congé, même s'il y a des rediffusions qui vont jouer jusqu'à la fin du mois d'avril. Sachez qu'on n'est pas là pour vrai. Là, on est là pour vrai. En ce moment, là, mardi. Live. Toujours en direct, les mardis entre 15h et 18h. On rappelle les vendredis à 17h et dimanche à midi. Jusqu'à nouvel ordre, soyez avec nous tout le long du mois d'avril. Mm-hmm. Et fin mars, mettons. Mettons. Bon. Au retour, ce sera Tania qui va nous divertir. Ah, je vais essayer. Pour le prochain bloc. Mais avant ça, voici une pièce musicale de Dead Obies. Ouh. Waiting. Ah, sondage requis. Attention à la fin. Oui, c'est vrai, attention à la fin. Soyez attentifs. Ça dit des niaiseries, ça dit des choses pas correctes. Ça dit des choses pas fines. Ah. Mm-hmm. Stand by, c'est quand tu veux. Just let me get high, tant tu peux, man. J'prends mon temps, parce que j'suis rendu vieux. Tu t'en crées, well, guess qu'on est rendu dedans. Ha, veux-tu bang? The fuck you mean, j'suis pas d'y aller. Matter of fact, I was born ready. Short stack, but the bird bread. It could do it all, they heard it. Trois yeux fermés, deux mains dans le dos. When I smoke that dope. Why give a shit? I mean, kid, I'm done et on show, we can talk money. Check the langage, parce que comme on dirait dans le know. You mon goody, fuck you pay me. Cordialement bon, and I'm out like that. Keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist a cigarette when I'm ready for the show. Whoa. Zéro à 140 km dans un Renault juste pour make it to the show. Then I know, and another egg sur le pouce. J'prends une pause. J'pense pas que personne sache ni big for show. I don't think they know. Ouais, on s'en va for show. They don't know. No. C'est pour ça que j'fais yank à ma tête. Pis que j'envoie chier la moitié de la planète. Talking about me quand j'get sur le stage. Getting high. Comme la voix à dos sur les midis pis la bise. Pis si t'attendais un messie, j'pense pas que t'es fini de perdre patience. Mais si t'attendais pour l'album, désolé d'avoir fait attendre. I don't mean to keep you waiting, baby, you know how it goes. Twist a cigarette when I'm ready for the show. Show. Ready for some more. We gon' get it, baby, we gon' get it. We gon' get it, we gon'. J'pense que fait pour le do it. Do it. Faire le show pour une paire de shoes. Mon gars, j'pense j'suis fait pour être sous. Truce, rules, pas sit, mon gars, douce. S'prends du chest pour être pour it. J'pense j'suis fait pour juste do it. Tant que m'donne et en show, tant même face pour it. I'm in tant que donne et tu fuck, mon gars. Tant que trempé là-dedans au couple, garde ça pour deux, man. I'm in tant mais fucking enjoy, mon gars. 20-something, rolling the blunt, mon gars. Boy, you rock, calling the sushi. Boy, bear, ready to rumble, mon gars. Don't wait, yes, boom, the chest. Team bows, team dozen. Down the lodge, eating cooked the cheetah stoner. Yes, the stage, mon wing, is you eat. Vince, you're prêt to partir le beat. Puis aussi juste l'intensité, c'est très dément. J'aime vraiment leur intensité. Mais je m'attends genre à tous leurs nouveaux beats, là, puis genre, de leur énergie, genre les mosh pits, Tony Hawk, les gros beats, là, ils font juste tout. Je m'attends à ce qu'ils me décalissent la face. À chaque fois, c'est fucking insane, le brainier. Puis genre, c'est vraiment des bêtes de scène, là, genre, tu veux le... Le beat. Tu vas compter, mais... Wow, la huitième fois. OK, on a un record. On peut jamais savoir à quoi se rendre avec des beats. L'enregistrement, mais c'est des gens très créatifs, alors... Vous êtes intéressé de les voir en personne? Oui, même chose, c'est l'intérêt. J'aime le cours de français, on l'a fait dans le un peu, là, pour l'écouter sur la langue française au Québec. C'est ce qu'ils font. Moi, j'espère du knowledge dans cette année. Honnêtement, c'est de répondre à mes questions, mais j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais je suis pas on est pas que vous voyez des lobbies en show? Deuxième. J'entends pas le bruit des citrons là. Oh wow, Dead Obies, la pièce Waiting à Assemblage Requis, c'est sur le palmarès francophone. Mm-hmm. Même si ça chante en anglais pas mal tout le temps. Ouais, pas mal. Hein. On n'est pas super conséquents, nous. Que voulez-vous? On est des alternatifs rebelles. Ouais. Maintenant, elle est alternative et rebelle. Ah ouais. C'est un compliment sur ta Merci. Beauté. C'est Tania is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain you. C'est aigu pour moi. Ouais, tu sais. And she's gonna entertain you. Hey, salut Tania. Hey. Hey, une connerie par semaine, ça va être facile de faire juste ça. J'essaie, hein. Je sais bien. T'as l'habitude d'en faire 4 par semaine, toi? Ouais. Tu te donnes? C'est fou. Uh-huh. De quoi est-ce qu'on parle? Hein? Quoi? Là, je voulais comme parler de tatou. Je vais vous parler de tatou, mais il y avait aussi un court article que j'ai trouvé dont je voulais vous parler, qui devrait pas prendre très, très long. En fait, je pense que tout le monde connaît le fameux film Top Gun. Oui. Avec Tom Cruise. Et Dieu sait que ça a lancé beaucoup de discussions envers les femmes selon la beauté de Tom Cruise et tout ça. On cherche tout un peu notre pilote d'avion. puis... Plus grand que Tom Cruise. Ouais, plus grand que Tom Cruise aussi. Et en fait, ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que mon père m'a envoyé un article qui parlait des 10 choses à absolument savoir sur Top Gun. Donc, j'ai décidé de vous en donner quelques-uns. Et... Tout d'abord, bien, on le sait, dans le film, il y a comme une rivalité malsaine entre les personnages de Maverick puis d'Iceman qui vraiment est projeté de l'avant. Là, ils s'aiment pas. Les deux personnages se détestent, disons-le comme ça. Et en fait, c'est pas vraiment simplement pour le script. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Tom Cruise et Val Kilmer s'entendaient vraiment pas lorsqu'ils étaient sur le plateau de tournage et Kilmer aurait même déjà asséné un coup de poing au visage de Tom Cruise lors d'une dispute pendant le tournage. Ah, il se préparait pour Batman, lui, là. C'est ça. Donc, il y avait vraiment une espèce de rivalité, là, dans le tournage. C'est comme le Batman dont personne ne se rappelle. Non, c'est pas vrai. Qui est le moins... dont on se rappelle le moins qui joue Batman après Val Kilmer? C'est-tu Michael Keaton? Je pense que oui. Je pense que c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. Je pense que oui. Oui. Ouais. En première place, de ceux qu'on s'en rappelle pas, ça. Clairement. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ouais. Il y a aussi le mal de l'air. En fait, ce qu'il faut savoir sur le mal de l'air, c'est qu'il y a plusieurs acteurs dans le film qui ont été mis à l'essai. Donc, ils ont fait un petit tour de F-14 avant le tournage pour justement les préparer à filmer tout ça. Les mettre dans le bain un peu. Et il faut savoir que Tom Cruise aussi a même effectué quelques balades supersoniques à bord d'un avion. Et tous les acteurs ont été malades à bord du jet, à l'exception d'Anthony Edwards, qui joue Goose, okay. Qui joue un des pilotes aussi. Donc, c'est vraiment le seul gars qui, en théorie, pourrait faire ça un jour, parce qu'il n'a pas été malade. Parce qu'il me semble que ça devrait être un prérequis pour jouer dans un film d'avion, quand même, hein? D'être capable de supporter ça, mais apparemment que non. Mais c'est parce que tu dis qu'à un certain point, c'est des simulateurs. Oui, c'est ça. Mais ils sont pas vraiment dans les airs, tout le monde. C'est ça, mais je sais qu'il y a des scènes qui étaient vraiment filmées dans les airs, donc c'est pourquoi on leur a fait faire des tours de F-14. C'est que... À quelques reprises pendant le tournage, on allait devoir les mettre dans les airs. Ouais. Donc, ils voulaient vraiment les habituer pour ça. Pour moi, c'est le fun parce que ça montre vraiment ton talent d'acteur. C'est capable d'aller malgré tout dans l'avion. Ça. De ne pas être malade pendant le tournage. D'être capable de dire des répliques, c'est ça. Faut surtout ouvrir la bouche. C'est ça. Vrai. Faut sortir des mots, pas d'autre chose. Et vraiment. Ouais. Il y a eu un petit problème de taille. On parlait que Tom Cruise est vraiment un gars très, très petit. Il fait 5 et 3. Donc, il est de la même grandeur que moi. Ouais. Par contre, la fille qui joue Charlie dans Top Gun, Kelly McGillis, mesure 5 et 10. Ouais. Mais dans le film, on voit jamais que Tom Cruise est plus petit qu'elle. Pourquoi? Il y a des souliers à grand, grand talons. Ben, il y a des souliers à talons. Ah, oh, je pensais qu'elle allait filmer sur une boîte de fruits. Non, c'est que bien souvent, Tom Cruise devait porter des talons pour donner l'illusion d'être plus grand. Mais t'imagines, c'est 7-8 pouces de talons et plus. Hein? Ouais, ouais. Ou wow. Parfois, on faisait vraiment descendre Kelly McGillis comme dans une pente pour qu'elle soit plus petite, pour que Tom Cruise ait l'air plus grand. Ah, non, mais sérieusement, il aurait pu trouver une fille plus petite que lui s'il voulait absolument donner cette impression-là. Je sais, hein. Sérieusement. C'est fou. En tout cas. Il faut savoir aussi que l'école Top Gun, parce que pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement le film Top Gun, malgré que si vous connaissez pas, allez directement voir ce film-là. Ouais, et qu'est-ce que vous faites avec cette chronique-là? C'est ça, exactement. Eh bien, il faut savoir que dans le film Top Gun, c'est une école. Top Gun, hein, c'est ça que j'ai dit. Top Gun, c'est vraiment une école de pilotes. Et il existe vraiment une école aux États-Unis pour la crème des pilotes qui se nomme Top Gun. OK. C'est, par contre, à chaque étudiant qui va dire une réplique du film, il y a une amende. Ah ben oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, c'est quelques-unes des 10 choses à savoir sur Top Gun. Je mettrai l'article en question sur la page Facebook d'Assemblage Requis, si vous le désirez. Je vous entends tous déjà crier « Oui! » Mais bon, mon sujet aujourd'hui, c'est vraiment les tatous. Je vous en discutais un petit peu plus tôt en début d'émission. J'ai dit, je vais vous parler de tatous. Je donnais pas trop de détails. En fait, j'ai pas trop de détails à donner, outre le fait que il y a une nouvelle étude qui vient d'arriver sur le marché en Alabama. Sur le fil de presse, là, ça sent le brûler tellement ça vient de sortir de l'imprimante. Ah, je sais, là. C'est fou. C'est pas autant que la nouvelle qui vient de sortir. Oui, dont on parlera pas. C'est ça. Parce qu'on sait pas encore si c'est vrai. Parce qu'on, c'est pas confirmé rien, donc je suis désolée. Mais je vais vous parler des tatous et surtout de l'étude qui est sortie sur les tatous il y a pas très très longtemps. Ça a été publié par un livre qui est « The American Journal of Human Biology ». Et qu'est-ce que ça fait exactement? C'est que ça vient dire que peut-être que les tatous seraient bons pour notre système immunitaire. Hein? Comment ça donc? Je m'explique. On a fait vraiment l'étude pour savoir qu'est-ce qu'on cherchait. Eh bien, on voulait vraiment venir mettre en contexte les gens que notre système immunitaire se renforce si. lorsqu'on reçoit un tatou. Un peu comme un entraînement. Mm-hmm. Donc, en fait, on a fait l'étude sur 29 personnes, 24 femmes et 5 hommes âgés entre 18 et 47 ans. Et on voulait vraiment isoler l'hémoglobine A. Et qu'est-ce que l'hémoglobine A? Eh bien, en fait, c'est la... La molécule, mettons, qui va vraiment venir mettre en, l'emphase sur tout ce qui est système immunitaire. Donc, nos poumons, notre intestin, qu'est-ce qui va faire en sorte que tout fonctionne bien? Bien, ça va être la molécule de l'hémoglobine A qui va nous dire ça, ce qui va faire en sorte que ça va vraiment nous révéler comment est-ce que nous, on va. Donc, de ce côté-là, on a pris ces 29 personnes-là. Pour certains, on leur a fait faire un premier tatou. Et pour d'autres, bien, on avait déjà plusieurs tatous sur le corps, plus que un. Donc, les personnes qui se sont fait faire leur premier tatou pour cette étude-là, eh bien, on a remarqué que c'était un peu comme un premier entraînement au gym, ouais. Tout simplement. Le lendemain, on va être fatigué, notre corps va être plus tendu, on sera pas nécessairement au mieux de notre forme parce qu'on va avoir justement agi en tant que... Je ne veux pas dire corps extérieur, mais on a poussé notre corps à une autre limite qu'on ne connaissait pas nécessairement. Et c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on se fait tatouer pour la première fois, c'est qu'on essaie d'incorporer dans notre corps à nous un corps étranger qui est l'encre. Et c'est là qu'on demande en fait à notre corps de faire une espèce d'entraînement, tout simplement, à vraiment accéder à notre corps pour que l'encre puisse y rester. Parce que bien évidemment, le corps pourrait tout simplement rejeter l'encre et ça pourrait causer quelques problèmes. Tu sais, on a déjà, les gens qui sont tatoués ont déjà tous entendu leurs parents dire « Lola, fais attention! » Ça peut être dangereux. T'es mis ta mère ou ton père? Les deux. C'est un mélange de la gamme. C'est un mélange de tous les parents qui ont déjà dit ça à leurs enfants. Mais il faut savoir aussi que justement, cette fameuse... cette fameuse formule-là qui se produit lorsqu'on se fait tatouer serait peut-être bonne justement pour notre système immunitaire parce que où est-ce qu'on en est venu avec les résultats de cette étude-là? C'est de vraiment réaliser qu'après plusieurs tatous, notre corps s'endurcit à ce fameux corps étranger-là. Donc tantôt, je faisais la comparaison avec un entraînement physique. Le premier tatou qui est comme un premier vrai bon entraînement au gym... Et après quelques tatous, bien c'est la même chose. C'est comme si on a justement acquis quelques connaissances par rapport au gym, à connaissances du côté physique. Donc de ce côté-là, notre système immunitaire va se renforcer. Et qu'est-ce que ça donnerait aussi? C'est que ça donnerait la compétence à notre corps de pouvoir éliminer plusieurs bactéries parce qu'on est habitué à recevoir des corps étrangers dans notre système immunitaire. Donc en théorie, notre hémoglobine A se renforcerait après chaque tatou. C'est sûr qu'au premier, toute personne qui a eu un premier tatou, on le dit souvent, c'est comme une drogue, t'en veux d'autres. Ouais. Et c'est très, très rare qu'on va avoir qu'on va trouver une personne qui a simplement un tatou. Mm-hmm. Bien souvent, on va avoir des personnes qui vont avoir plusieurs tatous. Mais bon, ça existe là, des gens qui en ont juste un. Là, je ne veux pas dire ça parce que, bon, prenez pas ce que je dis pour n'importe quoi. Déjà qu'on s'est déjà mis à dos tous les gars qui faisaient moins de 5 pieds 3. Exactement, là, avec Tom Cruise. Hein, mais tu sais. Mais tout ça pour dire que, justement, la durée de la session de tatou, donc quand on se fait tatouer, le temps qu'on va passer sur la chaise à recevoir cette espèce de corps étranger-là en nous, va faire en sorte que, de ce côté-là, notre système immunitaire va se renforcer pour l'endurance. Il y a aussi la masse corporelle. Donc, veux pas, quand on est en train de se faire tatouer, parfois on peut bouger, on fait des gestes, peu importe. Donc, de ce côté-là, encore une fois, il y a comme une interaction avec le corps et l'esprit et nos hémoglobines A qui fait en sorte que notre système immunitaire apprend à gérer le tout lorsque ça arrive. Et par la suite, plus on s'en fait faire, plus notre système immunitaire se renforcit. Tout à l'heure, je parlais justement de la durée de la session. Il y a des gens qui vont se faire faire des grandes... Exemple, un modèle sur une cuisse, ouais. Ben ça peut prendre quelques heures. Il y en a qui vont y avoir plusieurs sessions aussi pour simplement un tatou. Donc, ces fameuses sessions-là de tatou vont vraiment venir renforcer le système immunitaire du côté respiratoire parce que bien souvent, quand on va être sur la chaise, notre tatoueur va nous dire « OK, bouge pas trop », mais nous, on va venir contrôler quand même cette espèce de de respiration-là pour pas trop déranger le tatoueur lorsque lui nous tatoue. Ça va venir aussi endurcir notre endurance à la douleur. Donc, notre système immunitaire, non seulement il va se renforcer, mais nous, on se renforce aussi en ayant moins mal à quelque chose qui peut durer très, très, très, très, très longtemps. Donc, de ce côté-là, est-ce que... on doit être aussi vigilant lorsqu'on arrive à se faire tatouer. Il faut faire des échauffements avant ça. Peut-être, je sais pas. L'étude ne le dit pas, malheureusement, si on doit vraiment mettre du temps à s'échauffer avant de se faire tatouer. Mais une chose est sûre, c'est que notre système va vraiment s'habituer avec le temps à ces fameux stress de tatouage-là. À notre premier tatou, on va être très, très, très crispé. On va avoir très, très, très peur souvent. Il y a des gens qui ont peur des aiguilles. C'est bien souvent la raison pour laquelle les gens ne vont pas se faire tatouer ou tout simplement parce qu'ils n'aiment pas ça. Mais cette force-là que nous, on acquis mentalement avant d'arriver à notre séance de tatou va nous aider justement à améliorer notre système immunitaire si jamais on en veut d'autres. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, là, après un tatou, vous n'allez pas avoir un système immunitaire super renforcé. C'est pas ce que l'étude dit. L'étude dit vraiment que c'est significatif lorsqu'on prend le temps d'en avoir plusieurs et un système immunitaire en santé. Allez pas vous faire tatouer simplement pour être en santé, là. C'est pas ce que ça dit. C'est sûr que on va aussi, avec cette étude-là, réaliser que l'on peut guérir plus facilement. Plus rapidement, en fait. Notre peau va avoir une cicatrisation plus rapide parce que le tatou, veut pas, à un certain point, dans son temps de guérison lui-même, a un temps de cicatrisation. C'est, comme je le disais, c'est un... Je veux pas dire de la charcuterie, mais tu sais, on incorpore un corps étranger qui est de l'encre dans un corps qui est le nôtre. Donc, veut pas, on crée des trous dans notre peau et cette fameuse cicatrisation-là va venir faire cette espèce de petite gale sur le tatou lorsqu'on l'a. Mais à force qu'on a plusieurs tatous, bien, vous allez le réaliser vous-même, ça va cicatriser plus rapidement. Ça va prendre de moins en moins de temps avant que votre tatou cicatrise parce que votre système immunitaire est rendu habitué de vous envoyer tout ce que ça prend pour cicatriser rapidement. Et c'est vraiment ce qui rend la chose plus facile aussi à avoir plusieurs tatous parfois. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais je la ressens plus, moi, la douleur de cicatriser ou de me faire tatouer. » C'est justement parce qu'avec le temps, leur système immunitaire s'est habitué. Donc, tout ça pour dire que si jamais vous êtes du genre à vouloir vous faire tatouer partout sur le corps, bien, c'est pas nécessairement votre médecin qui va être contre l'idée. Mais c'est sûr qu'il faut que vous fassiez attention où vous vous faites tatouer. Quand vos parents vous disent « Oui, mais là, fais attention! » C'est pas nécessairement pour le nombre de tatouages ou pour votre santé. C'est vraiment pour les outils qui vont être utilisés. S'assurer que tout est stérilisé avant la séance de tatou. S'assurer que le tatoueur lui-même va se mettre des gants. C'est vraiment d'y aller du côté sécuritaire de la chose. Parce que oui, veut pas, si votre système immunitaire est renforcé, du moment que vous avez une bactérie sur une aiguille ou quoi que ce soit, que les choses sont mal désinfectées, et vous allez vous-même avoir une bactérie dans votre corps. Donc, c'est vraiment d'y aller d'une façon logique. Allez-y, faites vos recherches selon les salons de tatouage que vous voulez. Il y en a de très bons ici à Trois-Rivières. Ouais. Je les nommerai pas toutes, mais on est vraiment une ville reconnue pour nos salons de tatou. Je me promenais à Montréal, puis je discutais avec certaines personnes. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent se faire tatouer ici parce que les gars ici ont justement la sécurité de tout stériliser à cœur. Donc, pensez-y avant de vous faire tatouer, mais sachez que votre système immunitaire peut se renforcer. Ah, je pense que t'as piqué la curiosité des gens, tu nous as aiguillé sur le sujet. Moi, ça m'amène à penser à une idée pour une nouvelle dramatique, c'est une nouvelle émission qui pourrait être disponible cet automne, mettons l'automne prochain. C'est genre médecin de jour et de soir et tatoueur plus tard ce même soir-là. Oui, genre, ben oui, ça serait pas pire. Ça travaille beaucoup un médecin, fait que des fois, il fait des stars. Ouais. Après ça, comme dans la nuit, c'est comme aussi un tatoueur. C'est parfait, non? Ça serait vraiment parfait. Vraiment cool. J'osais pas le dire, mais tu pourrais travailler là-dessus. Merci, je vais écrire ça. Ça remplacera dans notre case horaire la semaine prochaine. Ce sera le pilote. C'est ça sera le pilote. On pourrait faire une émission radio. Un radio-roman. Un radio-roman. C'est revenu à la mode, ça. C'est ça. C'est vrai. Merci, Tania. Ça fait plaisir. Musique. J'ai fait plusieurs recherches à savoir quelle chanson sur les tatous je pourrais vous faire écouter. Et j'ai trouvé une chanson de 2013 qui est de Twista avec Young Money et Lil Wayne. Voici Tattoo Girl. Assemblage requis sur C'est fou, 81 FM. Yeah, DJ, that's your life in the mix. Let me see your tattoo. everybody, especially with a get it wet tattoo. If you ever think a tie ain't sexy on a chick, well, homie, I got news. When you see the top part of the booties out, blouses up, girl look until he even with a little gut. Bubba cap it off, is a title on the lower back with a tail that point down to the cut. Illustrated stick girls with the tongue on, not really the ones that excite me. Think it wouldn't, it shouldn't, but the one on the bosom say bite me. When I see the yellow girls, it be over. Cherry by the navel, the back of the shoulder. Chocolate the girls with the DI ink. They glow in the dark and I don't know which ones is colder. Had a bitch put my name on her chest, my name on her neck, my name by her custom tie, and the custom interior had my name in a vet. They beat my tax, see I'm laced. Spit a little game, hope they take the bait. Girl, don't let your tat dry up, come let me rub a preparation H. A big butt freak with a butterfly wing on each butt cheek to cover her behind. When she pull a pot of pants down, I'll pop that thing, it look like the butterfly, be fine. The guy be lying, I put it on the bees that I pearl. Twist up, travel all over the world. In search of them hotties with tatted up bodies. Let me see your tattoo, girl. Is it on your chest? Is it on your back? Is it on your leg? Is it by your calf? Let me see your tattoo, girl. Let me see your tattoo, shorty. Hey, shorty, what you working with? Let me see you pop that shit for daddy. Lip shining, blowing big pan out of pro daddy. Pick up diamonds, flick off the techno tic tac toe bezel that lift up, blinding them bougie hoes. I been through the Gucci store, grinning, three wheels spinning. But I'm saying this still, man, trying to collar this exotic. High mama out by the building. I'm talking top flight, high price, brown sugar with the curly butter, stick hips and all. With the EVE kitty cat paws, tatted above a bra, with a twin set down by her drawers. Better push that knees dusting off, cause a man keeps on running off. Just dropping the cheese, but shorty got knees. Take a trip to the tat shop, come on a blacktop, let her feel on either while we smoke bees. When she finish, gotta get greased, pierce that pearl, and then show it off to the world. Thick little shorty got niggas out of screaming, let me see your tattoo. Is it on your chest? Is it on your back? Is it on your leg? Is it by your cat? Show it with your talent, talent, talent. Let me see your tattoo, girl. Your talent, talent, talent. Let me see your tattoo, shout it. Freaking black master, than that 400 grams. It's something about a red bone tattoo, goddamn. You need a cover up, X out your baby daddy name. Girl, I know you love the fuck, just the way you took the pain. Check my name ain't Eddie K. Oops, I don't mean to be rude. I got a fetish for oops, I mean I love some tattoos. Let's get up on the room, everything is on me. Ain't got no A in the ointment, but I got some Vaseline, Brandy. It's tes fesses, it's ta cuisse, it's dans ton dos, it's dans ta femme. Is it on your back? Is it on your leg? Is it by your cat? Tattoo Girl par Twista featuring Young Money et Lil Wayne. Sur la joie, qui sera la chronique de Tania Esgonin? Et voilà, c'est dit. Merci Tania. Ça fait plaisir. Donc, chronique la semaine prochaine, peut-être? Peut-être, peut-être. Si ça peut-être. T'intéresse. Retour de la pause. La deuxième partie de Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Oh oh! Le qui pour toi aujourd'hui, un sondage de qui. Oui, oui, oui, oui, oui. Pour plus d'informations sur la programmation, visitez cfou.ca. 89.1. Vous êtes assez fou. Bonjour à Assemblage Rocky pour la semaine du 28 mars 2016. C'est Talia Baudin. Avec Mathieu Plante. Tantôt, on a commencé une première partie de ça et il me reste encore un petit peu un léger fond de fond Un léger fond de fond. Donc, il faut qu'on fasse des affaires avec. Faut bien qu'on le gaspille, cet argent-là. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a, la chronique des gadgets ridicules à acheter sur Internet. Je vous ai dit que je vous ai... En fait, je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai fait un méchant ménage dans ces liens-là. Et il me reste encore plein d'affaires à écouler. Donc, on vide l'arrière-boutique, comme on le fait de fois en temps, de ces gadgets-là. Donc, commençons par... Ben, ça va être des vieux trucs tout le long. Mais quand même, commençons avec un distributeur de cure-dents Darth Vader. Ah, ben oui! Je sais que Tania, tu utilises, tu aimes utiliser des cure-dents? Ouais, j'aime beaucoup! Donc, c'est le Darth Vader Toothpick Dispenser de la compagnie Bandai qui va être vendu à partir du mois de juin pour environ 26$. Donc, tu tires un levier sur son dos, Vader va aller dans sa cape, prendre un cure-dent et va te le pointer comme un sabre laser. C'est génial! Bref, c'est facile à utiliser pour enlever vos petits détritus de bouche et ça ressemble à une figurine de Darth Vader, c'est super cute. Le levier est horizontal dans son dos, donc vraiment sa cape est comme prise dans les airs. Tu tasses le levier et le cure-dent sort. Tu sais qu'ils en font à la menthe parce que ça aide à digérer en même temps. Ah, Colin, je sais pas. Ouais. Il y en a qui prennent des cure-dents simplement pour mâcher, pour comme, avoir cette espèce de feeling-là encore, puis aider la digestion. Est-ce que c'est ton cas? C'est un peu mon cas. Ah bon? Ouais. Ah ben. Ensuite, c'est une veste pour les petits chiens pour les empêcher d'être attaqués par des méchants vilains. C'est la Coyote Vest, une veste qui, pour les chiens qui ont jusqu'à 20 livres de poids. C'est fait pour empêcher les attaques de prédateurs comme les coyotes. Oui. Donc, le cou a des spikes, des pics de 1 pouce. Il y en a 12 qui sont durs mais flexibles dans un collier de Kevlar laminé. Okay. Alors que le reste du corps a une couche de Kevlar résistant aux poignards et qui peut résister à des dents de canin, donc comme on disait les coyotes, entre autres. Ça commence à environ 110$. Il y a une option pour le Coyote Zapper qui va envoyer des chocs à l'animal qui va, dans le fond, pas la victime, mais le méchant. Hein, en appuyant ça a l'air sur un peu fou, honnêtement. Hein? Un petit peu, ben, on va l'expliquer un petit peu visuellement. Donc, le chien porte, on dirait, une cape. Ouais, vraiment. Ou un petit manteau. Manteau de pluie, presque un imperméable. Et sur le collier, donc, t'as 12 pouces, 12 pics de 1 pouce. Et sur le dos, t'en as plusieurs aussi. Et comme j'ai le modèle avec un zapper pour envoyer des chocs électriques. C'est vrai. C'est bizarre, tout ça. 110$, c'est quand même cher payé pour ça. Mais bon. Ensuite, on va retourner se coucher un peu. Il y en a qui sont malades, peut-être en ce moment. C'est la saison encore des rhumes, là, avec l'hiver qui veut pas finir. Donc, c'est une chaise molle, en fait. C'est pas vraiment une chaise, presque un lit. Mais ça s'appelle quand même une soft chair. Pour vous rouler vous-même dedans comme un taco. Oh. C'est le Blandito, une chaise transformable en coussin. Donc, une bande élastique et... Pardon, c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est comme un genre de grand tapis en rond avec un contour et à l'intérieur un coussin. Et tu peux fermer le coussin sur lui-même et avec un bouton et je sais pas si c'est une... j'imagine un morceau de tissu ou quelque chose comme ça qui va venir par-dessus le bouton pour que ça tienne fermé comme un burrito. C'est un nom taco. Un taco, pas un burrito. Burrito, c'est roulé, hein, c'est ça? C'est vraiment bien pour des soirées Netflix and chill. Absolument, absolument. Assez grand pour deux personnes. Ben oui, c'est ça. Ça pourrait être sexuel, ça pourrait ne pas l'être. Et il y a plusieurs façons de le configurer. Tu peux le mettre comme un burrito ou encore comme un coquillage ou une huître, presque. Parce qu'il y a des boutons sur les côtés aussi, donc tu peux vraiment l'attacher comme... sur le côté, puis là, ben, t'as comme le milieu qui est comme pour t'asseoir, puis les deux côtés extérieurs qui sont pas pour s'asseoir. C'est un peu difficile à expliquer. Mais bon, c'est joli, c'est bien fait, plusieurs couleurs. Ça ressemble aussi à une carapace de tortue, de certaines façons, quand c'est plié de certaines façons. Voilà. Ah, un commentaire dit tout ce que je vois, c'est des vagins. Mais ah, c'est pas... bon, écoute. Eh ben, on n'a pas les mêmes. Mieux pour toi. C'est ça. I see vaginas. Ah, c'est ça. Ensuite, c'est une chemise pour homme avec, enfin, il était temps, une poche pour pouvoir mettre une pointe de pizza. C'est la Pizza Pocket Shirt. La chemise parfaite pour les gens qui aiment les pizzas, qui aiment faire des dégâts sur leur chemise et ceux qui aiment la graisse un peu sur leurs vêtements. Donc, la poche sur la poitrine est la grandeur parfaite pour mettre une seule pointe de pizza. Oui. Sinon, c'est complètement stupide. Il y a aussi, on a déjà parlé du Pizza Pouch Necklace, qui était le collier en pointe de pizza. Ben, tu sais, le collier que tu peux mettre sur une pointe de pizza dans une forme de plastique. Là. Donc, j'imagine que tu pourrais porter les deux en même temps. Ton collier pointe de pizza Peut-être aussi avec la lampe pointe de pizza qui ressemblait à une pointe de pizza sur une assiette de carton. Mais oui. Il y a quelques semaines. Donc, achetez tout ça, puis mettez la sorte de sauce que vous voulez dans votre chemise. Hein. Mathieu, je prends 30 secondes vas-y. Pour dire que c'est confirmé, le décès de Jean Lapierre a été confirmé à LCN. Breaking news! C'est triste, Jean Lapierre. C'est plate. Décédé. C'est vraiment dommage. Avec sa famille, en se rendant aux funérailles de son père. C'est comme un double whammy. Ouais. Pour la peine. Malheureux. Triste. Merci de descendre le niveau de ma chronique parce que j'allais vous parler d'un ourson vibrateur, hein? C'est Jean Lapierre qui aurait été très heureux d'entendre ça. Je suis persuadé qu'il aime nos émissions. Mon cher Johnny Peter, donc un ourson teddy bear vibrateur, parce que oui, il n'y a plus rien de sacré dans la vie. Teddy Love Bear, un vibrateur à 70$ en forme de petit ourson. 10 vitesses dans son nez et une langue qui peut sortir pour, oui, donner un petit peu de stimulation. Rien à dire de plus, c'est en forme de petit ourson, c'est ça. Le slogan, c'est « You've grown up », tu as vieilli. Now your teddy has two. Maintenant, votre teddy a aussi vieilli. Mmh. Ouais. A night alone, une soirée seule? Non, une soirée avec teddy. Ouais. Drôle de fantasme. Ouais, mettons. Hein. On reste dans les fantasmes de Jean Lapierre, feu Jean Lapierre. C'est le vibrateur en forme de cornet à crème glacée. Ça existe. Oui, ça existe. Donc, c'est le Ice Cream Vibrator pour 78$ américains. Ce qui est, Colin... cher pour un vibrateur, on va se le dire quand même. Mm-hmm. C'est en forme de cornet de crème glacée, donc exactement de la même grandeur que la main de cette jeune femme dans la photo. Donc c'est pas un énorme cornet, un petit cornet avec une boule, et t'es supposé t'insérer ça dans le sens que tu veux pour 78$. Ça vient même dans son petit contenant en forme de genre de contenant de carton qui ressemble à un bol de popcorn, je sais pas trop pourquoi. Mais bon, pourquoi pas? Ça arrive. Ensuite, bon, on a parlé tantôt de choses intelligentes. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit les bandes pour s'entraîner qui étaient rendues intelligentes. Bon, maintenant, on a aussi une corde à danser intelligente qui va compter vos sauts et va l'afficher dans les airs devant toi. C'est cool, ça. C'est la Smart Rope, une corde à danser avec 23 lumières LED embedded dans le milieu de la corde qui va éclairer devant vous en affichant votre nombre de sauts. Donc, il faut aussi le faire à l'ancienne, le compter vous-même, mais si vous voulez que vous y allez avec un rythme assez, un assez bon rythme, ouais, pour que la lumière puisse vous montrer le chiffre dans le bon... en fait, que vous puissiez voir les chiffres. C'est ça. Donc, ça coûte... combien? J'ai pas le lien. Attends un petit peu. Le Smart Rope sur thegrommet.com. Présentement, ça coûte 90$. C'est Tangram Factory Smart Rope. Voilà. C'est par Bluetooth que ça se transmet les données, bien sûr. Ça dit, justement, dans les commentaires, ça dit que c'est pas toujours facile à voir le chiffre, sûrement parce qu'il faut aller à un certain rythme particulier pour que la lumière soit assez rapide pour créer ça quand même. Ensuite, on peut porter des gifs animés sur sa poitrine avec un macaron haute technologie. Les gifs animés sont partout, hein, ils étaient partout dans les années 90, et là, depuis quelques années, c'est revenu sur Internet, et là, tout le monde était capote ben raide sur les gifs animés. C'est le retour à ça. Donc, pendant qu'on attend des gifs animés dans la vraie vie, on peut avoir un certain gadget qui vous donne l'impression d'avoir des gifs animés dans la vraie vie. C'est Pins Collective qui a créé ce macaron contrôlé par votre téléphone. On peut choisir n'importe quelle image, qu'elle soit animée ou statique, et la montrer via ce macaron portable. Donc, c'est une compagnie basée à Stockholm qui ramasse de l'argent sur Kickstarter. En utilisant une application spéciale, le macaron peut facilement changer de design pour aller avec l'humeur ou la situation. Parfait pour montrer votre soutien envers différentes causes sans avoir à changer de macaron. C'est assez facile de changer le design sur le macaron aussi. Mm-hmm. Et puis, c'est ça. On peut faire aussi un petit flash de différentes images. Mettons que tu n'as pas de gif animé, tu peux prendre plusieurs photos puis les faire aller comme cool. Si c'était un gif animé. Donc, plusieurs designs préfabriqués. On peut aussi créer son propre design. Sinon, on peut envoyer des images directement d'Internet. Vos gifs animés préférés de Imgur ou peu importe. Donc, c'est super cool. Et ça s'appelle le... Attention, Pins Collective, ils se sont rendus à 97 000 sur 75 000 $ et il reste encore 45 heures. Donc c'est vraiment très très bientôt terminé, j'ai hâte de voir ça dans la vraie vie. La vidéo en tout cas donne une bonne impression. Ouais, quand même. Ensuite, si tu détestes ta manière d'écrire, est-ce que tu aimes ton écriture, Tania? Ça dépend quand. Ça dépend si tu forces. Ça dépend si je suis fatiguée. Ah d'accord. Donc cette machine va écrire des lettres à la main pour toi. Hein? Donc, si tu n'aimes pas ton écriture ou si tu trouves qu'elle est belle à un certain moment et que tu veux la copier plusieurs fois, donc c'est le AxiDraw. Selon Gizmodo, c'est un appareil, une machine à écrire et à dessiner. C'est un crayon, un stylo qui fonctionne par ordinateur, qui va dessiner ou écrire tout ce que vous voulez. Vous avez simplement qu'à choisir une surface plane, choisir un instrument d'écriture et laisser le AxiDraw dessiner à votre place. Donc, on peut utiliser le AxiDraw pour faire des invitations à un mariage, par exemple, faire des affiches avec des dates de spectacle en dessous, copier des dessins ou encore faire des lettres à la main. Et autre que... dans le fond, c'est ça, autre que brancher la machine dans votre avec un câble USB à votre ordinateur, vous n'aurez pas besoin de bouger les mains. Le AxiDraw se vend 450$. C'est fait par Evil Mad Scientist Laboratories, une petite compagnie en Californie qui fait du matériel à source libre pour l'art, l'éducation et la domination du monde, disent-ils. Ah, on pense ben savoir oui. plus sur AxiDraw sur leur site web axidraw.com. Vous regardez la petite vidéo sur assemblagerequis.com pour voir comment ça fonctionne. Donc ici, bon... on est un petit peu trop près du crayon pour que je vois ce qui se passe. Mais je crois que ça, dans le fond, ce qu'on voit dans la vidéo, c'est le crayon, le stylo ou la plume est attaché à une machine. Et c'est la machine qui fait la forme qu'on demande. Donc, par exemple... C'est vraiment ça, je crois. Ouais, donc la personne a écrit Benjamin Franklin au crayon, a mis le design dans l'ordinateur. Et après ça, le crayon copie ce design-là sur une feuille de papier. Voilà. Ensuite, pour les grands cyclistes, vous avez enfin droit à votre grand vélo. Tu sais que c'est difficile d'être grand. On a parlé de Tom Cruise tantôt, 5 pieds 3. Oui. Hein? Donc, David Foltz, lui, fait 6 pieds 6. C'est un cycliste, oui. Ouais. Il s'est déjà blessé en faisant du vélo parce qu'il était trop petit. Le vélo, pas lui. Hein. Ouais. Donc, selon, c'est pour ça qu'il a créé Dirty Sixer, une ligne de vélo qui est faite pour les gens de stature, selon Outside Magazine. Donc, il dit qu'il y a quelques années, c'est brisé la cheville sur le cadrage, sur le frame de son vélo. Donc, il a décidé de fabriquer quelque chose de mieux. C'est des vélos all-road, donc qui va sur toutes les routes, avec un frame massif qui est fait avec des roues, dans le fond, qui vient avec des roues de 36 pouces en 4 grandeurs de frame. Donc ça va du extra petit pour eux, donc 6 pieds à 6 pieds 4, petit 6 pieds 4 à 6 pieds 7, moyen 6 pieds 7 à 6 pieds 11 et large grand 6 pieds 11 à 7 pieds 3. Faut que je travaille aussi sur des vélos personnalisés à vos propres mesures et proportions. Il veut pas vous en faire un si vous faites moins de 5 pieds 10 parce que les vélos normaux fonctionnent pour vous. Une équipe de très grands cyclistes, dont Shaquille O'Neal qui fait 7 pieds 1, a déjà utilisé le Dirty Sixer pour faire des tests. Et maintenant, 3 ans après avoir testé sur les designs, la première génération de Dirty Sixer Bikes est prête pour la production de masse. Le projet est présentement sur Kickstarter. Ils ont déjà excédé leur but bien avant le deadline du 7 avril. Ils sont rendus en ce moment à 41 000 sur 20 000. Et puis, il y a une petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, ou encore, vous pouvez précommander votre propre vélo à un rabais, un prix de 1499$. Rien, là. Le moins cher commence à 3500. Mais c'est pour les grandes personnes qui ont des besoins spécifiques, faut le dire, quand même. Et quand tu prends quelque chose de spécialisé, c'est plus cher. En effet. Ensuite, on a parlé la semaine passée, je crois, c'était d'une machine distributrice de viande. Tu te souviens, dans une grosse boîte d'adresse? Oui, oui. Cette fois-ci, on parle d'une machine distributrice de livres qui vous donne un livre au hasard pour 2$. Ah, c'est cool, ça! Ouais, les bibliophiles avec un goût d'aventure et de mystère vont adorer le Bibliomat, situé dans une librairie de livres usagés Monkey Spa à Toronto. C'est une machine qui a l'air très vintage et qui donne des livres au hasard. Ça a été designé et construit par un designer directeur et plein d'autres choses, Craig Small, en 2012. Pour attirer l'attention des gens qui ignoraient habituellement leur sélection de livres usagés pas chers sur le trottoir. Donc le Bibliomat a été inventé par le propriétaire de Monkey Spa, Stephen Fowler, qui à l'origine avait un plan très différent pour cette machine-là. Au départ, il pensait que ce serait qu'il allait prendre un réfrigérateur qui allait le peinturer pour avoir une machine distributrice. Donc il a mis un assistant ou une assistante très maigre à l'intérieur. Il a forcé à donner des livres quand les gens mettaient une pièce de monnaie. Donc il y avait quelqu'un à l'intérieur du réfrigérateur qui donnait des livres dans son idée. Donc lorsque Fowler a parlé à Small de son idée, le gars a suggéré de construire une machine distributrice à la place. Il a dit au National Post qu'il a utilisé un vieux locker où il pouvait mettre des affaires dedans, qu'il a acheté pour 120$ pour héberger son bibliomat. Donc l'avant, le devant cabinet, de son espèce de, comment t'appelles ça, son armoire est devenu derrière du bibliomat. Les livres sont chargés dans des colonnes et elles montent lorsque l'argent est inséré jusqu'à ce que le livre d'en haut, qui est à un angle de 45 degrés, puisse tomber. Il y a un fil qui garde, qui empêche la tablette de monter. Il y a comme un système à l'intérieur qui empêche plusieurs livres de sortir en même temps. Ça fonctionne avec un microprocesseur Arduino, avec un ordinateur à bord qui détecte la grosseur de la pièce insérée. Lorsque l'argent est inséré, une vieille sonnerie de téléphone, une vieille clochette de téléphone sonne et une série de poulies vont livrer un livre mystère au client qui attend en bas. Ça a pris à Small qui a pensé à plusieurs systèmes, à plusieurs machines de condoms, à la machine distributrice de différents produits avant de trouver cette idée-là. Ça a pris 3 mois pour la construire. Il a dit au National Post que le bibliomat est un petit peu comme un pest dispenser, sauf qu'à la place de sortir avec le ressort par en bas, ça tire de par en haut. Depuis son début, le bibliomat a plusieurs fans, entre autres l'auteur Neil Gaiman. Il dit qu'il est en amour avec cette machine-là. Et Margaret Atwood, qui dit que c'est brillant. L'expérience du bibliomat ne coûte que 2$. Il y a quelque chose de semblable à Montréal qui s'appelle les bibliothèques de quartier. Ouais. C'est vraiment des petites boîtes dans certains quartiers que tu paies même pas. Tu fais simplement déposer un livre et t'en prends un. C'est cool ça aussi, ouais. C'est vraiment de l'échange de livres. C'est vraiment cool. J'ai des amis qui participent à ça vraiment fréquemment à Montréal et tu découvres des œuvres qui sont assez exceptionnelles. Merci. Absolument. Même principe, même genre de choses géniales. Mais si en même temps, eux, ils chargent un petit peu d'argent, j'imagine que ça pour rendre la machine rentable. Je pensais pas que ce soit pour faire de l'argent. Ouais, c'est ça. Ensuite, allons-y avec une douche. Une douche portative qui utilise la même eau pendant 2 semaines. La douche moyenne, même avec une pomme de douche d'économie d'eau, va utiliser environ 2 gallons d'eau à chaque minute. En général, aux États-Unis, on utilise entre 80 gallons d'eau et plus par jour pour notre routine quotidienne, selon US Geological Survey. Dans un monde où l'eau est de plus en plus rare, de longues douches, c'est un luxe. Mais ça ne me dérange pas d'utiliser de l'eau recyclée. Il y a une compagnie japonaise qui s'appelle Otaru qui peut faire de votre douche quelque chose d'un petit peu moins culpabilisant. L'invention peut fournir jusqu'à 50 douches en utilisant 5 gallons d'eau. Ça demande aucun changement à votre plomberie. L'eau que vous utilisez est automatiquement purifiée, enlevant donc les choses dégueulasses de l'eau recyclée. Et ça va ramener l'eau par la tête de la pomme de douche, encore une fois. Donc tout ça se plie, c'est comme une tente, ça se plie dans un genre de contenant qui entre dans la valise de votre voiture. On peut l'essayer sur un site de construction ou l'amener camper ou juste le mettre dans la cour arrière. Donc c'est le Otaru Shower. Ça ressemble, moi, un petit peu comme un porta-potty, les toilettes portatives, sauf que c'est en mou, comme une tente. Donc c'est comme un mélange entre une tente et une toilette portative. Si on veut. Hein? Donc c'est un système de douche réutilisable, avec de l'eau réutilisable. Ensuite, on a parlé tantôt dans la précédente dans le précédent blog de Sexist de l'appareil qui vous gardait en bonne posture. C'est un morceau de plastique qui allait sous les fesses dans l'auto au travail entre autres pour garder le dos bien droit. Maintenant c'est un appareil qui promet aussi de vous donner une meilleure posture. Donc c'est le Prana, un moniteur qui va se clipser après votre ceinture et qui va surveiller votre posture et votre respiration pendant la journée au complet. Si l'appareil pense que ta respiration n'est pas bonne ou que ta posture a besoin d'être améliorée, Prana va utiliser le Bluetooth pour envoyer une notification à une application sur votre téléphone. Et après une longue journée passée au bureau, Prana peut rappeler aux utilisateurs de relaxer avec les exercices de respiration et des jeux pour rester zen. Donc il y a plein d'autres options, comme on a parlé tantôt, des options probablement moins chères et des options moins intelligentes, mais ici ça fait la promotion de l'équilibre et de l'alignement de votre corps, des pratiques qui vont avec le yoga, le contrôle de la respiration. Donc Prana, ça peut être réservé sur Indiegogo pour 99$ ou plus en ce moment. Ah, c'est cool. Ah, c'est comme une genre de petite passée, c'est vraiment une grosse pièce de monnaie là, si on veut. Argenté qui se met après votre ceinture. Vraiment. Ils sont rendus à 47 527$ américains sur un objectif de 50 000$ flexible. Même s'ils ne se rendent pas à leur but, ça va quand même être envoyé. Et le projet s'est terminé le 25 mars, il y a quelques jours à peine. Ensuite, on va dans la douche avec, c'est pour ceux qui ont des souvenirs de leur Nintendo Entertainment System, la NES. C'est un rideau de douche qui ressemble à une cartouche de NES. Donc tu remplaces ton rideau de douche par ça et les graphiques sont très très 8-bit dessus. Bon, c'est marqué Super Shower Time, c'est marqué Clean Nintendo au lieu de Nintendo et les petits graphiques de d'eau et de pommes de douche en l'air par-dessus ta vraie douche et on te voit au travers te laver. C'est drôle. C'est sûr qu'on te voit pas mal fort même. On te voit beaucoup. Ouais, mettons, hein. Mettons que pour une jeune fille, grande. C'est ça. Qu'est-ce ouais, ça? Pour une fille, oublie. C'est peut-être pas à conseiller. Ensuite, allons-y avec, tiens... Un étui de téléphone cellulaire avec de vraies fleurs pressées à l'intérieur. De très beaux étuis fabriqués par la boutique de Etsy House of Blings. Ça coûte entre 17 et 20 $ dépendant de la marque de votre téléphone. C'est des fleurs arrangées, donc pressées, entre deux, j'imagine, deux couches de plastique, ouais, probablement. Évidemment, c'est des fleurs qui sont, que t'as pas à entretenir parce que c'est pas des fleurs vivantes, c'est des fleurs. Les arroser. C'est ça, pas besoin d'arroser. Mais ce sont de vraies fleurs, donc t'as des marguerites, t'as des petits. Ben, je les connais pas trop, là, ces fleurs-là, mais en tout cas, t'en as plein de sortes. Là. Oui, t'en as vraiment beaucoup. Quand même cute. Et entre 17 et 20 $ c'est pas cher pour un étui, il y en a des bien pires que ça. Et ça fait très naturel, ça fait très hippie. J'aime ça, c'est très, très estival aussi. Ouais, ouais, ouais, très estival. Ça fait festival de musique d'été, là. Absolument, absolument. Ensuite, un rack à bande dessinée pour des minuscules bandes dessinées. En fait, un sixième de taille. Donc, on sait pas trop pourquoi ça existe, mais c'est chez Cryptozoic et DC Comics. Ça coûte $3 américains. Les bandes dessinées sont vendues individuellement à part. Ça va être disponible à partir de décembre 2016 pour pouvoir construire votre propre collection de minuscules bandes dessinées sur votre bureau. Ça fait cute, mais c'est ça. C'est un stand de bandes dessinées, donc un rack comme un rack à magazine ou à livre qui tourne sur lui-même. En fait, j'imagine qu'il tourne sur lui-même, ça ne dit pas. Et les bandes dessinées sont minuscules. T'as Green Lantern, Action Comics, Justice League America. Donc, un sixième de leur vraie grandeur. Et ça rentre dans le rack. Ça fait une décoration. Hein? Mm-hmm. Ah, ensuite, c'est un carnet de notes qui va au micro-ondes. Pourquoi? Tu vas me demander pourquoi est-ce que je mettrais mon carnet de notes au micro-ondes. Ouais, pourquoi? Ben, Colin, c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est le Rocket Book Wave. Selon okay. The Next Web, c'est un produit qui combine la sécurité des fichiers numériques avec un carnet à l'ancienne. Donc, on utilise le carnet, on va remplir le carnet de notes, le petit livre de notes, et les pages vont être sauvegardées sur Internet. Et on passe le livre quelques minutes dans le micro-ondes et ça va ramener les pages à leur état sans rien d'écrit dedans. Okay? Mm. Donc, c'est de l'encre thermochromique utilisé par les crayons Pilot Friction. Qu'on peut trouver dans les magasins, les grands commerces, qui sont inclus aussi avec le livre, mais vous pouvez en acheter d'autres dans le commerce. J'en ai déjà même chez nous, des Pilot Friction, c'est des crayons ben normaux, mais qui sont effaçables. Donc l'encre devient transparente à 140 degrés Fahrenheit, et les carnets Wave sont faits pour supporter de hauts niveaux de température. S'ils sont chauffés correctement, les Rocketbook pourraient devenir les derniers carnets que vous achèterez de votre vie. C'est sur le Rocketbook Wave, oui, est à 27$ pour le crayon et le carnet de notes. C'est présentement sur Kickstarter. Ils se sont rendus déjà à leur but. En fait, ils ont pas mal dépassé leur but. Ils sont rendus à 497 000, presque 500 000, alors que leur but était de 20 000$ seulement. Wow, quand même. Ça va bien pour le Rocketbook Wave, un carnet au micro-ondes. Et finalement, c'est le QV qui essaie de réinventer le vin avec une bouteille Wi-Fi, nous dit-on ridicule un peu. Donc, la bouteille QV est sans question un des objets des objets d'Internet, voilà, les plus ridicules, nous dit cet article de The Verge. C'est une bouteille de vin connectée par Wi-Fi avec un écran tactile qui a besoin d'être constamment rechargé et qui est compatible avec seulement quelques cartouches de vin propriétaires. En échange de tout cette complication-là, ça permet de garder votre vin frais pendant 30 jours. C'est le premier produit de la compagnie QV, une jeune start-up de Boston. Donc, c'est en deux parties, la bouteille et les cartouches de vin à l'intérieur. Donc, on glisse la cartouche dans une ouverture à la base de la bouteille. Quand tu mets la nouvelle cartouche, la bouteille va détecter ce que tu bois et va afficher l'étiquette numérique sur son écran tactile. Ouais, donc ça va montrer un logo, des raisins, le contenu en alcool, un paquet d'informations. On peut voir les photos de qui a fabriqué le vin, lire des notes de qu'est-ce qu'on devrait manger avec et avoir tous les détails de la composition du vin. Ça peut même estimer combien de vin il reste dans la bouteille. Ah, c'est cool! Oui, en utilisant l'écran tactile de la bouteille, on peut fureter, chercher un peu et acheter d'autres vins disponibles via la compagnie QV. Au départ, au lancement, il y a 48 vins de 12... c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Des 12 vies... 12 endroits, compagnies différentes. Donc, okay. Une grande variété. Pas des vineries, comment on appelle ça? Wineries. Des vignes. Des vignobles. Des vignobles. Voilà, des vignobles. À deux, on l'a eu. C'est ça, c'est des vins entre 15 et 30 $. Il y en a qui vont aller jusqu'à 50 $, vendus dans des bouteilles standards de 750 ml. Cuvée cible les grands buveurs de vin, les grands connaisseurs qui boivent pas les vins de dépanneurs comme moi. ils promettent 30 jours de fraîcheur. Cuvée imagine que les gens vont garder quelques bouteilles à la fois dans leur maison, peut-être un vin rouge et un vin blanc. Il y a plein d'autres détails, peut-être le triple ou le quadruple de ce que je viens de lire sur assemblagerequis.com, un très long article de The Verge. Voilà, c'est tout pour ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On s'en va entendre une pièce que j'adore sur le palmarès anglophone, c'est Slacker par Library Voices. Puis après ça, ben, il nous reste une grosse pointe d'adresse pour la dernière heure. Ouh là là! Assemblage Requis! Ouh, 89 FM!

avec des noix de cola. On a déjà parlé de ça avec Véronique Mire dans une précédente chronique du Véronictionnaire. Donc, un peu comme la formule d'origine de Pepsi-Cola, c'est certifié Fair Trade, de libre-échange, avec de l'eau pétillante et du sucre. Donc, la formule ressemble aussi à Caleb's Cola, qui est du côté de Coca-Cola, je crois, qui faisait un petit peu le même genre de recette. Donc, le nouveau soda est disponible en version canette de 12 onces aux États-Unis. C'est des canettes plus minces, un peu comme les nouveaux Coca-Cola qui sont très, très minces, un petit peu plus hauts, un petit peu plus élevés. En fait, non, Caleb's Cola, c'était aussi Pepsi. Je m'excuse, pas Coke. Ouais, c'est ça. Donc, donc leur ligne de 1893 est un petit peu vintage. C'est supposé avoir l'air rétro, vieux jeu. C'est comme ça qu'ils veulent vendre leurs produits. Alors qu'au Canada, on a choisi de prendre la canette normale de Pepsi, juste la mettre brune, puis marquer gingembre dessus, parce qu'on est des pas très originaux. Un autre spotted aux États-Unis cette fois-ci, c'est le Mountain Dew Black Label. Donc, on a déjà critiqué ça sur le site de TheImpulsiveBuy.com l'année passée. On avait glissé un mot à ce moment-là, mais maintenant, c'est disponible partout aux États-Unis. On espère que ça va arriver au Canada aussi. C'est du Mountain Dew avec des baies, c'est du Dark Berry. Dark Berry, j'imagine qu'il y a un mot en français pour ça. Ça doit être la mûre, peut-être? Ah, peut-être. On va aller voir. Je pense que non, en fait. Dark Berry. Des baies noires. Bon, des baies noires. OK. Il y a des baies qui sont pas noires? Je sais pas. Donc, c'est fait avec ça. C'est un petit peu plus... une formule différente de Mountain Dew, mais tu peux avoir en très grosse canette, un peu comme des canettes de drink d'énergie. Ça dit « Deeper, Darker, Dew ». Donc, plus profond, plus sombre, Dew. Black Label. Ensuite, chez Domino's en Australie, vous avez entendu parler sur Internet certainement du robot qui distribue des pizzas Domino's. Là, ça fait le tour de toutes les émissions de faits divers à la radio. Donc, Domino's en Australie qui essaie maintenant de vous faire surveiller votre pizza par GPS. Domino's en Australie qui offre son GPS Driver Tracker pour pouvoir surveiller le mouvement de votre pizza aussitôt qu'elle quitte la boutique, le restaurant. Donc, le tracker fonctionne avec votre téléphone cellulaire, vous montre une carte avec une petite voiture, une icône donc qui représente votre chauffeur et une heure d'arrivée estimée. Donc, ça ressemble un petit peu à un Uber, mais pour la pizza. C'est un peu comme aux États-Unis, donc la chaîne de pizza offre aussi le pizza tracker qui permet aux clients de savoir dès le moment que leur pizza sort, quand elle est sortie. Donc, c'est du stalking de pizza, si on veut. Donc, le GPS Driver Tracker qui est offert au pays depuis le mois de mai dernier, donc 2015. Ensuite, c'est chez Chipotle qu'on vous offre des chips et du guacamole gratuitement en jouant à un jeu en ligne. Donc, les restaurants Chipotle qui offrent tout ça dans leur jeu qui est un genre de trouver l'erreur, un spot de difference qui s'appelle Quack Hunter. Donc, pour avoir votre coupon gratuit pour une commande de guacamole et chips, vous devez aller aux États-Unis sur chipotle.com/guachunter, donc G-U-A-C Hunter, et jouer 3 rondes du jeu. Donc, on va regarder 2 images presque identiques et trouver 5 différences entre les deux avant que le temps s'écoule. Alors, on n'a pas besoin de toutes les trouver pour avoir le coupon, il faut juste avoir joué au jeu 3 fois. Ah. Je comprends bien. Donc, une commande de guacamole et chips, habituellement, coûte 3,20$ chez Chipotle. Et le coupon expire le 31 mars jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Sinon, il s'expire. Non, pardon, le coupon est disponible jusqu'au 31 mars, expiration le 10 avril. Une limite de 2 coupons par téléphone cellulaire. Toujours aux États-Unis, les Cheez-It Snack Mix, voilà qu'ils arrivent. On a déjà parlé des Cheez-It quand ils avaient sorti leur biscuit ultra grillé. Oui, je me souviens de ça. Que ça avait donc l'air bon. Ben maintenant, t'as un mélange avec des biscuits pas grillés, pas surgrillés. T'as des Chex dedans, t'as des M&M, t'as des bretzels et t'as du popcorn au caramel. Ah! Tout ça à l'intérieur d'une boîte de Cheez-It qui est un petit peu comme les Ritz, ouais, si on veut, aux États-Unis. En fait, ils ont des Ritz aussi, mais bon, Ritz, Cheez-It, c'est pas mal à m'affaire. Pourquoi ne pas acheter ça? C'est à peu près ça pour ça. Ouais, moi, ça me tente d'en avoir de ça. Mm-hmm. J'aime ça les mélanges. As-tu vu les Reese's? C'est vrai, hein? As-tu vu les mélanges de Reese's aussi? Non, j'ai pas vu. Des petits sacs avec des peanuts, des Reese's en genre de petits, des petits minuscules Reese's, des pastilles de chocolat, des trucs comme ça. Ça s'appelle un mélange Reese's mix quelque chose. Ah, OK. Il y a plein de mix en ce moment. Je suis pas très mix, moi. Non? Non. On avait goûté à un moment donné, ça, c'était avec Stéphanie. Je suis sûr que t'arrives. C'était les mélanges de Marvelous Creations de Cadbury. Non, on en a goûté un ensemble. On a goûté ensemble, d'accord. Oui. D'accord. Donc, c'était des jujubes avec du chocolat. Exactement. Les petits poissons. Les petits poissons surettes, des affaires. C'est bien cool, ça. Ensuite, un autre spotted, c'est... tiens, on vient de parler de Cheez-Its. Parlons de Ritz pour être juste envers tout le monde. C'est une édition limitée des Ritz. Ultimate Butter Crackers. Ultime beurre. Donc... Ouais, pourquoi pas? On a déjà parlé de Wheat Thins plus minces que d'habitude. On a trouvé ici des Ritz avec encore plus de beurre que d'habitude. Pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Okay. Pourquoi pas? Ultimate Butter. Ensuite, toujours en Spotted et toujours aux États-Unis, c'est des M&M's. Ils ont commencé à faire comme avec Lay's, avec le vote de saveur. Tu sais, on a parlé de Lay's, on peut choisir bon, une certaine sorte de piment avec une certaine sorte de, fromage. Juste ces deux-là, les deux premiers, je suis comme déjà dans un très grand embarras. Comment fais-tu pour choisir? Donc, l'idée, c'est qu'un des seuls va gagner et va être distribué, j'imagine, pour plus longtemps. Donc, le premier, c'est les M&M's Coffee Nut, donc café et noisette. Et t'as le Honey Nut avec du miel. Oui. Et t'as le Chili Nut, un petit peu plus piquant. Ouais, je suis pas tant chili. Non, avec du chocolat, c'est surtout pas mélangé avec du chocolat. Mais là, Coffee Nut puis Honey Nut. Moi, là, le matin, là, sur mes toasts, je mets du miel. Ah, oh, pour vrai. Bonne idée. En buvant du café. Fait que... Ouais. Hey, tu dis que j'ai racheté du cookie nutty patente, là? Ah ouais, t'en as racheté. Au Spiculus, j'en ai racheté tellement j'aimais au ça. Au Spiculus, j'ai fini le premier pot, je l'ai fini en dedans de la première semaine. J'en ai racheté un autre. Ça, c'est des biscuits à tartiner, dans le fond. C'est comme une tartinette de biscuits. Ça aussi, c'était très, très, très sucré. Ah oui, mais c'était bon. En tout cas. Bref, Coffee Nut, Honey Nut, Chili Nut, si vous êtes aux États-Unis, vous pouvez voter pour les M&M de votre choix. Ensuite, le nouveau Boss Burrito chez Taco Bell. Tu sais, tout est boss de nos jours. Il faut tout le temps que tout soit boss. Donc, on parle des Boss Burritos. C'est pas au niveau national. Pour l'instant, c'est dans le nord-est de l'Ohio. Les Boss Burritos, c'est de suivre les Boss Wraps, qui étaient aussi disponibles pour un temps limité récemment. C'est des patates croustillantes, du bacon, de la sauce chipotée, de la crème sûre et une double portion de soit du steak ou soit du poulet ou même du bœuf. Donc, les Boss Burritos, juste parce qu'ils sont plus géants que les autres, j'imagine. Probablement. C'est servi avec des croustilles et du fromage à tremper. Ensuite, toujours aux États-Unis, chez Sonic, on amène une plateforme de soda et de crème glacée. OK. OK. Donc, c'est un genre de mode rétro, un peu comme les Soda Pop Shop dans le temps. Là, oui. Dans le temps où il y avait des machines, on appelle ça voyons, du jukebox, des trucs de même. Ouais. Donc, le Sweet Cream Soda Pop Shop, disponible partout au pays pour un temps limité. Le menu de drink a de la crème sucrée. C'est pas de la crème glacée, mais de la crème sucrée mélangée avec différents sirops et sauces disponibles chez Sonic, ainsi que de l'eau pétillante. Et un certain nombre de compagnies populaires de soda, donc des liqueurs qu'on connaît déjà. Donc, quelques exemples, tiens, vanille, fraise, cerise, raisin, noix de coco, framboise bleue, pomme verte, ananas, t'as de la crème sucrée à la vanille et root beer, t'as du Dr. Pepper à la cerise, t'as Blue Coconut Sweet Cream Coke. Ah, ok, connaissais pas. Le reste, c'est pas mal de Coke, là. Coke à la fraise, Coke à la cerise, Coke à la vanille et la cerise. Root beer au chocolat. Tu sais, plein de mélanges que tu n'aurais pas fait par toi-même si c'était pas du fait que c'est des trucs prémixés. Donc, ça vient avec un petit bâton pour pouvoir le brasser. Et la plateforme est nouvelle et disponible pour un temps limité. Voilà. C'est chez Sonic aux États-Unis. Ensuite, chez PFK maintenant, on s'en va à Hong Kong. PFK vend du poulet frit avec de la mayonnaise et des flocons de poisson dessus à Hong Kong. Mm-hmm. C'est un spécial chez PFK Hong Kong. Donc, du poulet frit avec de la mayonnaise, un type de poisson qui s'appelle du bonito. C'est des flocons de bonito. Et de la sauce okonomiyaki. On appelle ça le okonomiyaki crispy chicken. Ça prend son inspiration d'une crêpe savoureuse japonaise, donc une pancake okonomiyaki. La mayonnaise, les flocons de bonito et la sauce sont des garnitures régulières du okonomiyaki traditionnel japonais. Alors que le poulet frit lui-même, c'est du poulet de chez PFK, tout ce qui est plus traditionnel. On fait juste rajouter des garnitures de quelque chose de connu par-dessus. Et puis, on appelle ça des flocons, là, les bonitos, mais c'est plus comme des genres de... C'est un peu comme des shavings de viande, là, comme de l'effiloché. Là. Pas de l'effiloché, mais de l'aminci, Oui. Ouais, okay. C'est très, très mince, bref. Du déchiré, mettons. Du déchiré, alors que la sauce okonomiyaki, elle, est plus sucrée, épaisse, avec un petit goût de piquant, sauce soya quand même, à l'intérieur. Ça a l'air bon en mousse. Un autre spotted, c'est les biscuits au shortcake à la fraise, mais Oreo. Donc, Oreo shortcake aux fraises. Ouais. Hein? Apparemment, ça arrive chez Walmart aux États-Unis à partir du 4 avril. Tout le monde en parle en ce moment, donc j'imagine qu'on va celui-là probablement l'avoir un jour ici. J'espère. Probablement. Il y en a un dans la gang que j'espère au moins qu'ils vont s'essayer au Canada. Espérons. Ensuite, c'est un appareil qui imprime des images assez complexes grâce à des gouttes de café. Ah! Mmh. Donc le café, c'est un médium de création quand même pour les artistes depuis longtemps. Les artistes du café vont souvent faire un petit essai dans ton café. Bon, mm-hmm. Donc l'inventeur Ted Kinsman amène maintenant l'art du café au prochain niveau en créant la Coffee Drip Printer. C'est une imprimante sur l'axe des X et des Y, donc ça peut aller à l'horizontale comme à la verticale, qui va te cracher des petites gouttes de café et les gouttelettes tombent de différentes grandeurs pour laisser des spots un petit peu plus foncés et un petit peu moins foncés. La plateforme, l'imprimante utilise un microcontrôleur Arduino pour contrôler le mouvement et la grosseur des gouttes, la distance des gouttes et le papier. Tout ça peut être arrangé pour créer différents imprimés. La machine fonctionne avec du café, mais on peut aussi utiliser n'importe quel autre liquide coloré et imprimer sur n'importe quelle surface. Une fois que les gouttelettes sont sèches, l'image a l'air d'une mosaïque inhabituelle de loin. Donc un processus délicat, mais quand même impressionnant, aller voir l'imprimante à café en action sur assemblagerequis.com. Faut la regarder de très, très, très loin pour que ce soit beau, je trouve. De proche, on dirait juste des taches. C'est vrai. Ouais, c'est bon, ça reste beau. Ensuite, un outil qui défait les bouteilles de plastique en un ruban super solide. Donc, à chaque heure, on nous dit que les Américains jettent 2,5 millions de bouteilles de plastique aux poubelles. À la place d'envoyer tout ça dans un dépotoir où ça va prendre des centaines d'années à se décomposer, c'est un outil qui permet aux clients, aux consommateurs, de transformer leurs poubelles en quelque chose qu'ils peuvent réutiliser. Le Plastic Bottle Cutter a à l'intérieur une lame incluse qui peut défaire la bouteille en un ruban de plastique. Pour le faire fonctionner, l'utilisateur va donc couper le dessous, le bas de la bouteille de plastique, va passer le couteau dedans et va commencer à tirer sur une corde. L'outil de 5,5 pouces peut être ajusté pour produire une corde de plastique de différentes largeurs. Le matériau qui est créé, qui est coupé, va être solide et flexible assez pour être utilisé dans plusieurs applications. Il y a une petite vidéo qui vous montre comment ça fonctionne. On peut voir la corde être utilisée pour faire un truc pour remorquer une voiture. Les rubans peuvent aussi être manipulés par de la chaleur pour créer des décorations uniques pour votre maison. Après une semaine sur Kickstarter, le projet a déjà ramassé 140 000 $ en argent, dépassant leur but initial de 9 445. Il reste encore du temps pour aller donner de l'argent au Plastic Bottle Cutter. On peut précommander l'outil pour 22 $ avec le shipping qui devrait être fait au mois de juin de cette année, juin 2016. Voilà. En fait, je pense que c'est terminé. Non, il reste encore 24 jours. Ils sont rendus à 309 770 euros sur 8 500 euros. Ah! Félicitations à eux. Ça va très bien. Ensuite, allons-y avec Bud Light et leur nouveau réfrigérateur qui va vous dire quand vous êtes prêt de manquer de bière. Ah ouais! Les gens chez Bud Light sont partenaires avec Buzz Connect et Link IQ pour inventer un réfrigérateur intelligent qui vous dit quand il vous reste plus de bière ou en fait combien de bière il vous reste et la température optimale va être envoyée. Et quand ils sont, ça va vous dire par téléphone cellulaire quand ils sont à la température optimale pour les boire. Ça s'appelle le Bud E-Fridge. On peut aussi le programmer pour avec votre équipe de sport préférée pour savoir quand la partie de votre équipe s'en vient. Il y a aussi donc les mises à jour en direct du stock de bière dans votre réfrigérateur. On peut mettre jusqu'à 78 bouteilles ou canettes de bière. Il faut qu'ils viennent dans des bouteilles traditionnelles de 12 onces ou encore des canettes normales. T'as un timer qui va vous indiquer le nombre de bières qui restent à la bonne température, c'est-à-dire en dessous de 32 degrés Fahrenheit. L'application pour téléphone intelligent va vous dire quand le réfrigérateur manque de bière et il y a un système de livraison intégré Saucy qui vous permet de commander de la bière si vous vivez à San Francisco, Los Angeles ou encore San Diego. Et le Bud E-Fridge est présentement disponible seulement pour les résidents de la Californie. Budlight.com/E-Fridge pour 299 $. C'est un rabais par rapport à 599 qui est le prix normal de ce réfrigérateur-là. On dit que c'est à peu près compétitif pour un frigidaire à bière. Ah, ok. Je savais pas ça. Apparemment qu'un réfrigérateur à bière de 84 canettes sans les extras qu'on a mentionnés, ça coûte environ 190 $ en ce moment. Donc je sais pas si c'est... J'imagine que c'était un spécial ça aussi, mais en tout cas, bref, magasinez-les vos frigidaires à bière. Achetez pas ça. Ensuite, Buick qui veut vous... essaie de vous vendre de la nourriture pour vendre des voitures, en fait. Ah! Intéressant un petit peu. Donc, pour leur nouvelle voiture, il y a un intérieur qui s'appelle Chococino, disponible sur la 2016, sur l'Enclave 2016, et une couleur Toasted Coconut Metallic, disponible sur la nouvelle Cascada décapotable en 2016. D'autres inspirations, la couleur Artichaut, c'est un genre de vert, hein? Ouais. Pour la Buick Avenir, c'est ça? Et où est-ce qu'ils ont trouvé ces inspirations-là pour la nourriture? C'est Instagram. Selon la compagnie, les designers de Buick ont plus de 178 millions d'images taguées hashtag nourriture food sur Instagram. Donc, ils ont choisi des couleurs dans leurs 178 millions d'images pour trouver ces couleurs-là. Donc, l'idée, c'est de s'attacher à une couleur particulière parce que tu l'aimes pour la nourriture, comme le Chocochino, mettons. Et peut-être que tu vas vouloir acheter une voiture qui a la même couleur aussi. C'est une voiture pour les foodies. Ben oui. Dit-on. Ça n'a aucun sens, mais c'est ça qu'ils veulent dire. Ensuite, justement, parlant d'Instagram, c'est un restaurant qui encourage le bon Instagramming de vos, de votre nourriture. Si vous êtes comme n'importe quel Américain ou Nord-Américain moyen, vous avez pris déjà une photo de votre nourriture pour la poster sur Instagram. C'est une mode qui peut-être va durer encore un bout de temps, mais après ça va s'écrouler. Donc, c'est un restaurant en Israël qui s'appelle Katsit en partenariat avec Carmel Winery qui a lancé un projet nommé Foodography qui fournit aux clients du restaurant des assiettes spéciales qui sont faites juste pour la photographie sur Instagram. Une assiette s'appelle The Limbo avec une fente pour votre téléphone cellulaire d'un côté et un arrière-plan courbé de l'autre côté pour faire un arrière-plan à votre nourriture. L'autre s'appelle la 360 avec une assiette qui tourne et une fente aussi pour le téléphone cellulaire pour permettre de filmer des clips vidéo de votre nourriture qui tourne. Hey, hein? Le luxe, hein? Si ces accessoires-là sont pas assez pour vous pour créer l'image parfaite, le restaurant invite un photographe culinaire, Dan Perez, à enseigner des ateliers sur l'art de bien prendre des photos de bouffe. L'expérience coûte 155$ par heure, ça dure jusqu'au mois de juin prochain. Il faut ajouter évidemment l'avion, hein, ben, si vous n'êtes pas en Israël. Mais oui, hein? Parce qu'on n'offre pas ça nulle part ailleurs. Allez voir les photos des assiettes avec l'arrière-plan et tout sur assemblagerequis.com. C'est tellement beau là, qu'il y a à peine de la place pour mettre la bouffe dans l'assiette. À peine. Mais c'est cute. Ensuite, c'est un four intelligent qui va streamer une vidéo de votre souper en train d'être cuit. Quoi? Ouais, ouais. Donc, tout est intelligent, comme on le sait. Ici, c'est une caméra qui donne à votre four... Attention. Donc, la compagnie... Ouais, je vais recommencer, j'ai manqué un bout. Donc, c'est un four en précommande qui sait ce que vous faites cuire et qui va automatiquement déterminer combien de temps le cuire. Voilà. Ensuite, la compagnie derrière ce four-là, qui a des vrais investisseurs et qui prend vraiment des dépôts pour leurs produits à venir... vient de sortir donc un four intelligent équipé avec du Wi-Fi, une caméra haute définition et une pesée numérique. La caméra donne au four deux super pouvoirs. Pour commencer, ça peut identifier certaines nourritures en utilisant la caméra, comme des biscuits ou du steak. Et automatiquement, ça va savoir pendant combien de temps le faire cuire. Deuxièmement, si t'as pas confiance au four, tu peux garder l'œil sur tes biscuits ou sur tes brownies à l'intérieur de l'appareil en utilisant la même caméra que le four donc a à l'intérieur. Le premier four sera pas envoyé au client avant le printemps 2016, donc dans les prochaines semaines. Et c'est à peu près ça pour l'histoire, mais c'est un petit four de comptoir, là. Un petit genre de four grille-pain, mais ça sert de four. Je crois seulement, je pense pas que ça fasse grille-pain. C'est pas marqué. C'est pas marqué. Ensuite... on a parlé un petit peu la semaine passée du distributeur de viande. Oui. On en aura parlé plus tôt dans l'émission d'aujourd'hui. Donc, c'est en Iowa maintenant qu'on va pouvoir tester un peu comme un guichet automatique épicerie. C'est à Des Moines, en Iowa, qui pourrait être le premier dépanneur automatisé où les gens peuvent acheter des nourritures fraîches. Donc, le groupe Eat Greater Des Moines travaille sur le Oasis 24/7. Ouais, 24/7, qui est un kiosque automatisé dans le Des Moines métropolitain qui a que des options santé. Mais de façon pratique et abordable pour les résidents de la ville. Ce système automatisé complètement, qui accepte seulement les paiements électroniques, c'est comme un genre de guichet automatique mélangé avec une distributrice. Il y a un écran tactile pour commander et donc pour utiliser le magasin, les gens arrivent près du système qui ressemble à un guichet. Donc on va scroller sur environ 200 produits comme du lait, du pain et des œufs. Et ça peut donner n'importe quoi entre 1 once et 10 livres selon 24/7. L'unité est à l'épreuve des balles. On est quand même aux États-Unis, hein? Ben oui, hein. Pas le choix. Et on peut traduire les options de produits en différentes langues pour tout le monde. Avant que ça commence à être populaire, on doit quand même trouver 70 000$ et la ville doit approuver le produit. Donc pour l'instant, ce n'est qu'un prototype pour le Oasis 24/7. Intéressant. Un couteau qui fait griller en même temps qu'il coupe. Hein? L'inventeur, l'inventeur Colin Furze nous amène le Furzo Toasto. C'est un couteau qui fait griller le pain en même temps que vous le tranchez. Donc, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire. C'est une vidéo qu'on peut aller voir sur assemblagerequis.com. On voit le gars être bien, bien fier de son invention. Ouais, hein? On peut pas se la procurer, mais quand même, il y a un pain sur une planche à découper. Il va prendre son espèce de scie. En fait, c'est une scie avec un tuyau tout le tour et qui est chauffé, je sais pas trop par quoi. Et là, il tranche son pain. en faisant vraiment très attention. Et une fois qu'il retire son couteau, on voit que le pain est grillé à l'intérieur. Donc, il pourrait se faire une tranche. Évidemment, il faut tout le temps partir par une tranche du milieu parce que si tu commences par le bout, tu vas juste faire griller un bord. C'est vrai. Et ça marche pas. Mais on voit que ça fonctionne, son gadget, ce qu'il a créé. Allez voir sa vidéo sur assemblagerequis.com. Voilà, on va arrêter là. Pour l'instant, il nous en reste encore d'autres. On va faire une dernière vingtaine de minutes après la pause. Pour l'instant, par contre, une petite chanson, Tania. Ça te tente d'aller entendre de la musique avec moi? On a tellement su se divertir les oreilles. Mais oui, pourquoi pas. On va écouter une des nouvelles entrées du palmarès anglophone cette semaine. Ben, la semaine dernière, en fait. Ouais, ben, elle tient encore, au moins. Ouais, elle y est jusqu'au 10 avril. Mm-hmm. Oui, exactement. C'était la 19e position du palmarès la semaine dernière. C'est The Ridge de Sarah Neufeld. À Assemblage requis. Au 89 FM. The Ridge par Sarah Neufeld, nouvelle entrée du palmarès anglophone à Sondage Requis. Au retour, il nous reste encore quelques petites dernières nouvelles de fast-food. Mais pas trop, là. Pas trop. Parce qu'on commence à être plein. C'est vrai. Pour l'écouter. 89.1. Toujours à Assemblage Requis pour la semaine du 28 mars 2016, elle est Talia Baudin. Avec Mathieu Plante. Il nous reste seulement une quinzaine de minutes ensemble à cette édition de 3 heures d'Assemblage Requis qu'on fait maintenant les mardis entre 15h et 18h. On repasse les vendredis soirs à 17h et dimanche à midi dans la case horaire des Palmarès. C'est fou. Les gens nous demandent, mais qu'est-ce que vous faites là à faire Assemblage Requis l'après-midi? C'est quoi l'affaire? Ben oui, ben Colin, on perd notre émission du matin pour le reste de la session. On est en reprise tout le reste du mois de mars et d'avril. Donc entre 6h30 et 9h30, ce ne sont que des reprises. Nous sommes en direct les mardis après-midi et je vais faire aussi le Mathieu Plante Show. On vous rappellera tout ça dans quelques minutes à la fin de l'émission. Mais pour l'instant, c'est la deuxième partie d'une grosse pointe à l'adresse. C'est une grosse pointe d'adresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte un produit du tiroir et qu'ensuite on fait des nouvelles de fast-food. Étant donné qu'on a déjà goûté, je vous le rappelle, les Lucky Charms délices, on est rendu à faire que des nouvelles pour les prochaines minutes. Commençons par le Rock Box, qui est un four portatif pour faire une pizza en 90 secondes. Seulement 90 secondes? 90 secondes, donc le Rock Box R-O-C-C-B-O-X, qui est un four sur pierre. Portable, portatif, oui, qui fait l'impossible, c'est-à-dire cuire une pizza de 12 pouces en seulement 90 secondes. Le design est très simple, avec une pierre, une de la roche et un brûleur intégré qui fonctionne avec du gaz ou avec du bois. Après avoir préchauffé le brûleur pendant 15 minutes, ça vous donne un four à 932 degrés Fahrenheit. Eh, quand même! Ce qui va amener votre pizza de congelée à cuite en 1 minute et demie. La section de l'extérieur est couverte de silicone qui va vous protéger de vous brûler, bien sûr, les doigts pendant que votre pizza chauffe. Ça peut faire cuire plus que seulement de la pizza, ça peut faire du pain, de la viande, des légumes, des desserts et plus encore. C'est portatif et ça pèse seulement 44 livres. Le Rockbox est disponible en précommande maintenant pour $540 américains. Voilà. C'est un gros prix, mais pour quelque chose de très rapide. Ensuite, Google développe une intelligence artificielle pour compter le nombre de calories dans la photo de votre nourriture. Dans les photos, en fait. C'est le laboratoire de recherche de Google qui travaille fort pour développer de l'intelligence artificielle capable de calculer les calories dans des photos. Donc, ça s'appelle IM2Calories, IM2Calories. Et dans un exemple, le système a regardé une image, a compté deux œufs deux crêpes et trois tranches de bacon. Étant donné que ce ne sont pas des unités universelles de mesure, le système a réussi à comprendre la grandeur de chaque nourriture en relation avec l'assiette et avec les condiments. Et I'm Two Calories prend... c'est ça, donc n'a pas besoin de photos haute résolution. N'importe quelle photo de qualité Instagram va fonctionner. Et le but n'est pas de faire la honte des utilisateurs quand ils mangent beaucoup trop gras. En fait, le scientifique à la recherche chez Google, Kevin Murphy, aimerait simplement simplifier le processus de tenir un journal alimentaire. Identifier les nourritures que tu manges, peut-être pour trouver des allergies, peut-être voir qu'est-ce qui te fait prendre du poids, justement. Il dit même que ça fonctionne seulement 30% du temps. C'est assez pour que les gens commencent à s'en servir. Ils vont collectionner, ramasser les données et la technologie va s'améliorer avec le temps. Voilà. Donc, c'est le IM2 Calories. Ooh. Ooh. Ensuite, on va parler de café tantôt. C'est vraiment toujours un sujet qui nous intéresse, le tout café. Temps. On veut faire nos propres dessins dans du café, mais on n'est pas des amateurs, on n'est pas de très grands artistes. Non, c'est vrai. Ouais. Bref, c'est le Ripples Ripple Maker Machine qui peut imprimer des dessins en mousse sur le sommet de votre tasse de café. Hein? Oh. Donc, ça utilise un mélange de technologies d'imprimante 3D et d'encre, de jet d'encre, voilà, pour faire de l'art. Et puis, ça peut faire des mots et des images. La machine elle-même fait 8,5 pouces par 10,5 pouces. C'est connecté par Wi-Fi. Ça vient de Pod, des Ripple Pod qu'on appelle. Donc, ce qui fait le dessin, ça vient de Ripple Pod qui va extraire, va sortir en fait des petites gouttes de café dans la mousse pour faire la forme. Donc, c'est vraiment bien fait en plus. Hein? C'est super beau. Tu peux faire crème ici. On fait des mots avec, on dirait une bulle de bande dessinée qui dit tada. Ça a l'air vrai. Donc la machine peut imprimer des dessins en 10 secondes dans n'importe quelle tasse qui mesure jusqu'à 7 pouces de haut et 4,5 pouces de large. Les dessins peuvent être sélectionnés par une application sur téléphone cellulaire. C'est pas une cafetière, c'est pas une machine à café. En fait, ça fait qu'améliorer vos cappuccinos et latte et autres. Ça va être lancé en septembre pour 1 000 $ avec un plan de service annuel pour les entreprises qui va coûter 75 $. Lufthansa Airlines va être un des premiers clients. Il va utiliser la machine dans sa classe affaires dans ses avions. Ah, cool! Voilà, on va pouvoir faire imprimer le logo sûrement de la ligne aérienne sur le café des gens. Ensuite, savais-tu que Kraft Heinz avait changé la recette du macaroni au fromage aux États-Unis? Sûrement pas parce que t'es pas aux États-Unis. Ah non, je ne savais pas. C'est ça. Tu n'y as pas goûté parce qu'on n'est pas là. Oui, j'en mange très rarement même ici. Ça a été annoncé il y a 11 mois environ qu'on a enlevé les saveurs artificielles et les préservatifs, les agents de conservation des produits macaroni au fromage aux États-Unis. Donc Kraft Heinz l'a fait sans le dire, sans l'annoncer sur leur emballage et personne n'a remarqué le changement. Hmm. Ouais, donc la recette, on pensait qu'elle était restée la même, alors que Kraft Heinz dit que la recette a changé au mois de décembre aux États-Unis. La compagnie dit que les gens ne se sont pas plaints. Ils ont dit que c'était le meilleur test à faire de ne pas le dire aux gens et de voir s'ils allaient se plaindre. Donc la campagne promotionnelle vient de sortir là aux États-Unis, donc ça a changé, mais ça a pas changé. Une campagne qui a été lancée dans les dernières semaines avec l'humoriste Craig Kilborne. Donc le goût, la texture et l'apparence sont tellement similaires à l'ancienne recette que virtuellement personne s'en est rendu compte. D'ici leur communiqué de presse, ils ont quand même vendu 50 millions de boîtes depuis le changement de recette qui utilisent des choses comme le paprika et le turmeric. Je me souviens pas de turmeric, c'est quoi en français? Je vais vous le chercher en 2 secondes. Il y avait un mot pour ça, là, bien bien beau en français, là, que c'était joli. Du curcuma, voilà, du curcuma. Oh. Pour créer le orange qu'on connaît du mac and cheese à la place des colorants artificiels qui donnaient la couleur avant. Voilà. Ils invitent les Américains à essayer la nouvelle recette, mais probablement qu'ils l'ont déjà essayé de toute façon, disent-ils. Ensuite, les Français sont enfin embarqués dans le monde moderne de la livraison de nourriture. Hein? Savais-tu qu'il n'y avait pas tellement de livraison en France? Non, je savais pas ça. Ouais, donc au début c'était Coke et McDonald's et ensuite Starbucks et les sacs pour emporter. Maintenant les Parisiens ont commencé à s'acclimater à une autre coutume américaine, c'est-à-dire la nourriture par livraison. Il y a plusieurs applications de livraison de nourriture et des start-up qui ont démarré partout en France, dans la capitale française depuis les derniers mois. Elles sont impossibles à manquer. En fait, les arrêts d'autobus et les stations de métro sont maintenant remplis de publicités pour la livraison de nourriture qui promet des restaurants à la mode livrés en quelques minutes. Des courriers à vélo sont devenus aussi assez populaires dans la ville. Ils passent entre les voitures pour livrer des aliments en boîte et dans des sacs à dos avec isolant. Donc pour les Français, c'est une nouvelle idée d'avoir ça. En fait, c'est un changement. C'est très populaire dans les grandes villes ailleurs dans le monde, mais Paris, on n'a pas tellement embrassé ça. Pourquoi? Parce que des aliments livrés rapidement, ça va un petit peu à l'encontre de ce que les Français considèrent comme leur souper ou leur manger. Hein, parce que eux, évidemment, c'est de prendre le temps d'être entre amis, en famille, ouais, boire du vin, etc. Les soirées sont très très longues en France. Donc, le site Allo Resto est en ligne depuis 1998 quand même, mais était toujours à l'arrière-plan, livrait des choses comme la pizza, des sushis et du chinois. Mais des fois, on pouvait attendre jusqu'à une heure, et même plus qu'une heure, pour avoir sa commande sur ce site-là. Donc, les choses ont changé récemment. Des services comme Take Eat Easy, Foodora et Deliveroo sont partout dans le marché maintenant et offrent des nourritures de bistrot traditionnels. Même Uber participe à ça avec Uber Eats en France. La compagnie derrière ces services-là, les compagnies, disent avoir vu beaucoup de succès récemment à Paris dans un marché qui avait besoin de changement. Il y a une grande guerre à Paris pour la livraison de nourriture. Et ben. Ensuite, le Cream Egg... en tartinade. Tu sais, les œufs Cadbury, hein? Oui. On aime ça, on aimerait pouvoir les tartiner sur une toast. C'est vrai. Mais maintenant, il y a Cashew Cream Egg Funky Nut Company qui existe et qui pourrait être, selon That's Nerdalicious, encore meilleur que du Nutella. C'est une compagnie basée à Liverpool, Funky Nut, qui prend des cashews et ajoute encore, va plus loin que ça, en ajoutant la crème d'un œuf Cadbury Cream Egg. Le résultat est un beurre de noix de cashew avec une texture épaisse et gluante qui contient aussi des morceaux de cream eggs. Ah oh, ouais. Apparemment, c'est délicieux. Funky Nut dit que c'est meilleur que du Nutella, mais bon, quand même, faudrait l'essayer pour le savoir. C'est disponible sur leur site web pour environ 11$ américains. Et oui, ils envoient à l'international. Intéressant. J'en veux. Une nouvelle mode maintenant pour les cheveux, quelque chose qu'on pourrait qu'on pourrait peut-être voir à l'Halloween dans les prochaines années. Sûrement. C'est un 2 litres de liqueur avec un trou dedans sur son côté pour pouvoir faire entrer une couette de cheveux. Et la couette de cheveux sort par le goulot de la bouteille et sort dans un verre qui est attaché à l'oreille de la personne. J'avoue que pour un costume d'Halloween, c'est vraiment une très bonne idée. Ça fait une fontaine de liqueur, mais de cheveux. Mais pour aller à l'école, mettons? Peut-être pas. Mais tu sais, c'est pas plus difficile, pas plus bizarre que les cheveux en forme de beng, tu sais. Non, c'est vrai. Ou ceux en brioche de Princesse Léa. Ouais, mais ça se voit pas, ça. Hein? C'est ça. Ensuite, le macaron rencontre le beng et le monde vient de changer. Hein? Donc, créé par François Péard, le macaronaut. C'est dans le fond un macaron avec un beng mélangé ensemble dans une seule collation divine. Payard a fait cuire, donc tout ça, a cuisiné tout ça pour la Journée internationale du macaron, une fête que seulement Payard fête. Ça se passe le 20 mars de chaque année. Ça célèbre le macaron, la pâtisserie bien sûr. Des pâtisseries participantes de New York vont faire un don pour chaque macaron acheté. Donc à City Harvest, une organisation qui combat la faim à New York. La première saveur de macaronaut est fraise et crème. Vous pouviez vous acheter un macaronaut le 20 mars dans une des pâtisseries de New York de la marque Payard, payard.com. Si vous voulez voir les photos, c'est sur assemblagerequis.com. Littéralement, c'est un macaron comme on les connaît, mais en deux parties, au-dessus et en dessous d'un beigne. On se comprend. Ça ressemble à Cronut, qui est un croissant beigne. Ça ressemble à tous les autres, ouais. Les autres amalgames. Voilà. On a souvent parlé des bars à yogourt, des bars à smoothie, des bars à crème glacée. Oui. Il y en a plein, des places comme ça. Minneapolis va avoir son propre bar à eau. Ah ouais? Ouais. Donc selon le Minneapolis Star Tribune, la ville de Minneapolis va avoir son propre bar à eau ce printemps. Les gens vont pouvoir boire différentes variétés d'eau locale et régionale et aussi commander des tests. J'imagine que c'est des eaux qui sont pas encore sur le marché. Hein? J'imagine. Donc, la place va s'appeler le Water Bar. Quand même un petit peu simple comme nom. Ça se dit artisanal. Mm-hmm. Selon le Minneapolis City Pages, on dit que c'est un projet d'art public qui est supposé faire parler de l'importance du breuvage, donc de l'eau, à des communautés partout dans le monde. Donc, c'est pas fait pour être sérieux. Works Progress Studio, c'est un studio de design et d'art public à Minneapolis, a créé le Water Bar comme pop-up. Donc, ça, c'est des commerces qui ouvrent et referment instantanément en 2014. Son directeur Shanae Mathison et son mari Colin Clucker ont fait un voyage partout aux États-Unis, au Minnesota, Arkansas, Illinois, Caroline du Nord. Ils ont servi de l'eau à plus de 30 000 personnes et maintenant ils installent un endroit permanent dans le nord-est de Minneapolis. Il n'y aura pas d'alcool. Comment est-ce qu'on va différencier le water bar des autres bars normaux? Donc à la place d'avoir des bartenders, les visiteurs vont être accueillis par des scientifiques environnementaux, par des activistes, des artistes, des mixologistes qui vont passer pour des water tenders. Ils vont verser un verre d'eau aux gens et vont commencer à leur parler de pollution par la pollution d'eau, le manque d'eau, les changements climatiques et autres choses. Donc, dans le fond, ça va être un petit peu de propagande, ouais. Ce bar-là. Et pour l'eau elle-même, elle va être ramassée dans différents endroits locaux, des bâtisses publiques et des robinets. Donc, si vous voulez les aider dans leur mission, vous avez jusqu'à début du mois d'avril pour leur rendre visite. Et ça dit qu'ils vont célébrer une grande ouverture. Attends un petit peu. Non, et c'est ça, il faut attendre au début du mois d'avril avant que ça ouvre. Et ensuite, ils vont célébrer la grande ouverture le week-end du 20 au 22 mai pendant Art World, qui est un festival d'art annuel dans le reste de Minneapolis. Et pour donner de l'argent, il faut aller sur leur page GoFundMe. C'est gofundme.com/waterbarsipfund. Ou aussi leur site web qui est water-bar.org. Ça vous intéresse, ça? Voilà! Pour une grosse pointe en dresse, on a fait aujourd'hui pas mal de nouvelles. C'est comme ça quand on a 3 heures ben oui. devant nous. Merveilleux. Mais nous, pour l'instant, ça va être la fin de cette édition d'Assemblage requis. Déjà, je trouve que ça a quand même bien été aujourd'hui. Mm-hmm. Une belle petite émission de 3 heures. On fera ça. On essaiera de faire mieux encore la semaine prochaine, comme toujours. Ben oui. On va être en direct pour le reste de la session jusqu'à la fin du mois d'avril, au moins les mardis entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, c'est Réanimation, l'émission de métal et d'horreur. On va repasser les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est Skypunka. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Après nous, ce sera Palmarès du Monde avec David Ferron. Sif.ca pour la programmation temporaire printanière. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balado-diffusions. Merci beaucoup, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. On se quitte avec une dernière pièce, celle de Paupières, 5 heures. Oui. Qui résume le fait qu'on est passé de 8 heures à 3 heures, fait qu'on a perdu Exactement. 5 heures. C'est ça l'affaire. On a perdu 5 heures de notre temps, mais comme tu dis, t'es pas payé pour me parler. Fait que tu peux faire d'autres choses pendant ce temps-là, puis moi, je marmonne pendant 3 heures. Hein? Mais non, hey, on s'en est bien sortis. On va avoir autant de plaisir que ça pendant 3 heures chaque semaine. À bientôt, Tania. Hey, bye, Mathieu. Bye. Bye. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b